lundi douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorigné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines. Puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Hey yo, what up, c'est Dirty Taz, a.k.a. le Super Sexy MC, a.k.a. le Black Brad Pitt. T'écoutes le 70%, tu connais le time, mon gars. Bonsoir, en manchette ce soir, on parle du 500e épisode du podcast 70%. Et vos chroniqueurs ce soir, entre autres, Étienne Lapointe, Mathieu Boudreau, Jean-Sébastien Godet, Simon Portelance, Marianne Tremblay-Gosselin, Marie-Pierre Simard, Damien Blas-Bouchard, Florence Payette, en direct à Montréal, vous êtes à 70%. Je suis trop saluté. Je le vois dans tes yeux. Je suis trop saluté. Courageux de se questionner. Faites attention dans les escaliers. Pas d'infime classe 13 ans, les silicos explosent tout le temps. Y'a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer les couleurs des ceintures de karaté? Pourquoi y'a des enfants, des annonces de char? Pour plusieurs, des barbeaux, c'est des œuvres d'art. Faut pas rester en cabané. Ton écran va finir par te rendre cerné. Je le vois dans tes yeux. Je suis trop saluté. Ah, un plaisir encore une fois d'être à 70% avec vous, mesdames et messieurs. Mon nom est Tommy Godette, ça n'a pas changé par rapport à tantôt. Merci beaucoup à Alex Gosselin pour son spectacle. On ne sait jamais s'il est content d'être là. Alex, est-ce que tu es encore avec nous? Ah, il s'est manifesté en ne se pouvant plus se manifester. On va lui souhaiter un maximum de plaisir. Sinon, ben, peut-être qu'on pourrait commencer tout de suite en accueillant notre invité avant de se lancer dans une petite discussion à propos de rien. Hein? Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Mesdames et messieurs, on applaudit, s'il vous plaît, Charles Beauchesne. Ouais. Allô. Coucou. Est-ce que t'as de la famille à Val-d'Or, toi? À Val-d'Or? Ouais. De 0%. 0%? Que t'es au courant de. J'ai l'air d'un gars de Val-d'Or. Non, parce que moi, j'ai comme un semi-petit frère on the side qui s'appelait Jean-Pierre Beauchesne, puis là, ben, peut-être que c'était de la famille. Mais non, il me semblerait que ce soit un bon vieux cas de même nom de famille. De même nom de famille. Aucun dans de et voilà, ça va vite. Hein? T'as-tu déjà traversé le parc? Le parc. Le parc La Vérendrye, le parc. L-E parc. Parce que le fait que je ne sache pas c'est quoi le parc de La Vérendrye indique. Ça veut dire que tu n'as jamais été en Abitibi encore. Le pire, c'est que oui. Oui, j'ai été en Abitibi. T'es allé en nage ou. J'ai blackout le parc, en fait. Ah, c'est ça qui s'est passé. La première fois, ça arrive, ça, des fois. Ouais. Ça peut arriver. Pas porter attention au fait qu'il y avait un parc et surtout au fait que ça avait l'air de la même affaire depuis. T'es-tu un fan de dessins animés, de cartoons? J'ai lu ça, moi, quelque part. En esti, ouais. J'ai appris aujourd'hui que la nouvelle et dernière saison de Samurai Jack était pour sortir à partir du 11 mars qui s'en vient prochain. C'est vrai, ils ont décidé de sortir ça. 10 épisodes, toi, ça fait comme 10 ans que cette série-là est finie sur une espèce de cliffhanger qui serait jamais résolu. Exactement. Puis même en plus, le cliffhanger, c'est comme Samurai Jack qui repogne la motivation de chasser à couple. Ça devrait être assez capoté. Tu te rappelles pas du dernier épisode? Le dernier épisode, c'est pas celui où il trouve genre un bébé. Puis non, c'est celui qui monte sur le top de la montagne. Puis il voit trois sages qui sont en train de méditer. Puis là, lui, ça l'a. Oui, c'est le 51e. Samurai Jack trouve un bébé et le défend d'une gang d'ogres et lui raconte l'histoire de Momotaro, le garçon japonais. Ça rejoint vraiment beaucoup de monde ce que vous êtes en train de dire. Les voilà, au moins en jambes. Discussion hermétique, les amis. Voyons, bon donc. Podcast, tout le monde. Oui, puis Mafalda, c'est pas vrai qu'elle se suicide dans sa dernière BD. Non, c'est pas vrai, c'est juste une légende moderne. Comme Mr. T, c'est pas vrai que ces céréales, c'était juste des alphabets que le monde y était payé pour enlever les T pour les mettre dans les Mr. T, puis il y en avait qui étaient payés pour enlever les O pour les mettre dans les C3POs. C'est pas vrai. Moi, ça m'a vraiment fasciné, les alphabets, parce que quand j'étais jeune, la mascotte sur les boîtes de céréales d'alphabets, c'était un magicien. Oui. Puis ils l'ont comme substitué genre par Alpha, un ordinateur. C'est vrai. Il y a comme eu une pub à la télé de transition du magicien à Alpha qui fait comme hey, les enfants, venez, nous allons visiter le monde des alphabets. C'est Alpha, mon nouvel ami qui va pas prendre ma place. Puis finalement, il s'est fait. Elle s'est fait voler à job. Ouais, c'est pas super. Toi, c'est qui te fait peur pour te voler ta job? En ce moment? Ben oui, mais le monde de l'humour au Québec, c'est quand même assez tight, là. Ben, y a personne qui fait vraiment ce que je fais, puis ça, c'est à la fois une très bonne et une très, très mauvaise affaire. Ah, OK. Je ne sais pas quoi répondre à cette question, en fait. OK, puis c'est quoi tu fais? J'ai pas de compétition, mais en même temps, ce serait vraiment étrange que j'ai de la compétition. OK. Parce que je suis un humoriste hermétique, il faut croire. Ah. Ouais, c'est pas moi qui dis ça, c'est la réaction du public, là, 20%. Tu vas nous en offrir une petite saveur de ça tantôt à la fin du spectacle. Si les gens sont gentils, je vais le faire. Je pense qu'ils vont l'être. Sinon, ben, à 70%, on a une tradition que j'essaie de ramener, et c'est... ah tiens, je ramène elle aussi. On va se faire un petit 20 secondes de rire de retour à la maison comme dans le temps, OK? Ouais. On avait de... Oh, ici en studio. Oui, vraiment. Passé quelque chose de le fun avant qu'on coupe à la pause. Et puis sinon, ben, on demande aussi souvent à nos invités de nous faire un indicatif. Donc là, t'es à chaud. Tu viens de commencer avant d'être sous. Là, let's go. Fais-moi un indicatif 70%. Un indicatif, ça consiste en quoi, ça? Ben bonjour, je m'appelle Charles Beauchesne et j'ai un humour hermétique et vous pouvez m'entendre à 70% une fois. Hey, t'as vraiment bien synthétisé ça. Ben, hein? c'est pas le premier que j'entends. Pas mieux le dire moi-même. Je m'appelle Charles Beauchesne, je fais de l'humour depuis à peu près 6 ans. Bon, vous m'avez peut-être vu à la télé dans des espèces d'affaires random, genre à Canal D, puis en route vers mon premier gala, puis le reste des affaires qui sont destinées aux humoristes underground que vous verrez ou ne verrez pas dans le futur. Et ça j'écoute. Ça, c'était honnête. J'écoute 70%. Ah ouais, et pas j'écoute pour... 70%. Merci, j'ai pas le choix de l'écouter. C'est pas pour parler de toi et trop. Là. 70% et 100% en train de se passer en ce moment. J'ai pas le choix. Je pense que je vais le garder, ce bout-là. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Je suis un auteur aussi à travers tout ça. Ben oui, t'écris tes propres textes que j'ai entendu lire. Ce que t'as entendu lire? Ben, je me suis entendu lire ça l'autre fois. Puis est-ce que t'es un joueur de Magic? Non, je suis un joueur de Donjons et Dragons, puis genre Vampire de Masquerade. Non, mais ah ouais, hein, super douche, ça. Ben oui. Ouais, t'as-tu déjà fait du live? Super douche, c'est contraire absolu de douche. Ah non, pas Vampire de Masquerade. Hey, je suis obfusqué, tu me vois pas. Je suis obfusqué. Hey, non, moi, les LARP que j'ai faites de Vampire. À partir de deux points, tu peux avoir obfusqué, puis être invisible, puis pas bouger, puis bouger en ouais. même temps. Ouais, mon Malkavian s'en vient là, ça s'en vient vraiment. Attends, tu joues encore? Oui, je joue à toutes les fins de semaine avec mon chum et humoriste, le gros Jesse Shea, que vous connaissez peut-être pas, mais c'est un très bon humoriste également. J'ai trouvé quelqu'un qui joue encore à Bravo! Vampire de Masquerade. C'est plus ça qui m'impressionne. Ouais, mais attends, Vampire de Masquerade, Werewolf, il y a les Prométhéens, les fucking Fairies, Mage, The Dreamers, aussi. Mage the Awakening. Mage the Awakening. On est en train de perdre tout le monde au fur et à mesure. Ben, c'est pas grave, hein. On peut les prendre pour acquis parce qu'il y a de la bière. De roleplay. Ben, sinon, ben, merci d'être avec nous. Je pense que tu as répondu pas mal à toutes les questions d'usage. On a un show pas mal jump-pack. Fait qu'à partir de maintenant, toi, tu as le pouvoir d'avoir un micro. Commente à la hauteur de ce que ça te tente. Il y a des chroniqueurs qui vont venir user de notre temps. Et à partir de là, ben, ça va faire un 500e, 70%. Merci beaucoup, Charles Beauchesne, d'être avec plaisir. Nous. Et voilà, on peut l'applaudir. Let's go! Merci. Et là-dessus, mon cher technicien d'amour, Alex Larocque, on part! Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Ouais, ça va pas être les manchettes internationales ce soir. Ben non, t'es comme debout, là. Ouais, je suis debout pis j'ai mis une cravate noire. Oui. Ouais. Une cravate mince. Bravo. Noire. Je vais y aller tout de suite, là. J'ai écrit quelque chose pour ce soir. Alors, c'est. Texte du 500e épisode de 70%, numéro 4.3. Toute la semaine, je me suis demandé ce que j'allais écrire pour le 500e épisode de 70%. J'allais parler du jeu de 500, de pourquoi on est obsédé par les chiffres ronds, de la sémantique arithmétique, de la numérologie. J'avais une comédie musicale interactive, métonarrative en tête, là. Quelque chose que j'aurais co-écrit avec Neil deGrasse Tyson. Fait que ce matin, j'avais encore rien de préparé pour l'émission. Fait que je me suis demandé où sont allées toutes ces belles intentions. Dans la peur, Tommy. Ouais, hein. La maudite peur. À bord du vaisseau de l'imagination. Ouais. Neil deGrasse Tyson, personne n'a écouté. Ouais. Ah. Donc, oui, la maudite peur, j'ai pu... Est-ce que j'ai peur de décevoir le nombre 500, Tommy? Si j'arrive à l'émission et que je fais la même affaire que d'habitude, est-ce que 500 va trouver que je me suis pas assez forcé pour lui? Si je fais quelque chose de différent et que c'est pas assez malade, est-ce que 500 va trouver que j'aurais dû faire la même affaire que d'habitude? 70%! Fait que je suis allé sur Internet faire des recherches sur 500. Alors, c'est pour ceux qui sont pas familiers avec le 500... c'est un nombre qui se tient entre 499 et 501 dans les nombres entiers, bien c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. On se rend compte aussi que 500 est pas si spécial que ça. Là. Ses deux amis les plus proches sont des nombres comme toi pis moi. Là. C'est vrai. C'est également un multiple de 2, comme la moitié des nombres, de la moitié de l'infini dénombrable. Encore là, il y a rien de bien spécial. Vous êtes familier avec le concept d'infini dénombrable? Oui, OK, tout le monde est familier. Puis, comme s'il s'était senti interpellé par toutes mes recherches, 500 est venu à mon secours et m'a parlé. Bruno qui a dit « Aimerais-tu ça qu'on jase un peu? » C'est arrivé aujourd'hui, ça, là? Oui, c'est arrivé aujourd'hui. Fait que j'ai répondu « Oui, 500, je dois te parler, c'est pour ma chronique ce soir. » Puis 500 est apparu dans ma chambre et m'a dit de ne pas m'inquiéter. Qu'il était impossible que je le déçoive. J'étais subjugué par sa beauté et sa rondeur. Pas comme n'importe quel autre chiffre du tout. 500 est loin des 37, 244 ou même les 81 de ce monde. C'est un nombre spécial, ça se voit du premier coup d'œil. Je lui ai dit 500, je ressens une connexion spéciale avec toi. Quelque chose que j'ai seulement ressenti au moins 20 fois auparavant. 500 m'a alors embrassé langoureusement et on a fait l'amour pendant des heures. Oui, dans les 2-0. Attends, c'est un peu comme une espèce de Christmas Carol de numérologie. Ouais, c'est capoté. Hein? Gros lundi, mon Bruno. Quand je me suis réveillé, 500 était parti, il m'avait laissé une note. Bruno, sache que tes peurs sont confirmées. J'ai été très déçu de toi. Tu es l'un des amants les plus égoïstes que j'ai jamais eu. Mais grâce à ta médiocrité, j'ai finalement réalisé que j'étais un nombre spécial. J'en ai parlé avec la gang, là. Puis on a décidé que les nombres spéciaux allaient se faire un club privé. Tu peux maintenant me trouver entre 100 et 1000. Fait que ça va être un peu fourrant à partir de là. Je sais pas exactement comment on va fonctionner. Donc, il dit qu'il préfère laisser la plèbe des nombres... de ses anciens amis comme le 499 et le 501 se tenir ensemble, puis il dit « Parle-moi pas sur les nombres premiers. » C'était ça que je pensais, en fait. Là. Ben oui, c'est ça. C'est en jeu. Ouais. Et PS, bonne chance pour ton podcast ce soir. Je vais peut-être y aller. Donc, peut-être que 500 est là. Je sais pas si quelqu'un l'a vu. J'espère qu'il a pris sa douche. Ouais. On voit aussi que 500 est quand même un nombre divisé. Merci Bruno Corbin, bon. Mesdames, messieurs. Bon, capoté, et toi? Bon, une dernière mission encore. Pour ceux qui ne savent pas, la dernière mission, qui est une bière qui est offerte ici présentement, c'est la bière qui a été faite par le brouhaha pour douteux.org. Et le concept, c'est, tu sais, mettons que tu finis ta bière et tu demandes une autre dernière mission. On se retrouve vraiment dans le lexique qu'on adore, nous. Parce que, vous savez, ça arrive des fois que le meilleur des meilleurs des meilleurs a pris sa retraite et que là, le colonel Baker, il voit que la fille de Johnson se fait kidnapper, fait que là Baker va demander au meilleur des meilleurs des meilleurs pour une dernière mission qui lui il doit aller retravailler une dernière fois pour l'oncle Sam et ainsi de suite. J'ai aucun indice du référent auquel t'en as plus que tu penses. Rappelle-toi les films qui se passent au Vietnam avec des mercenaires. Le capitaine Baker, bien sûr. Ben oui, le capitaine Baker. Allez, let's go Alex, on passe au prochain. Étienne Lapointe, mesdames, messieurs. Ben oui, on peut l'applaudir. Salut, Tommy. Allô. Ça va bien? Ben, écoute... Hey, 2017, ça passe les chapeaux de roue pour moi, là. Ah ouais, plein, hein? Bon, oui, plein de belles affaires qui m'arrivent. J'ai fait une rencontre très spéciale. Ma coach de vie. Oui, je vais d'ailleurs, tu vas pouvoir donner ton micro, Macavian? Possible. OK. Fait que, mesdames et messieurs, T'as pas de référent de film de guerre, toi? Ça se peut pas. Moi? Ben oui. Il s'est excusé. Il s'est excusé. J'ai déjà fait une joke de Saving Private Ryan, du premier gars qui se fait gonner dans la tête en débarquant du bateau. Mais tu sais, genre le colonel Throckmorton qui vient dire à Rambo, on a besoin de toi, il y a encore des prisonniers. Non, je n'ai pas écouté ce multimédia. Ok, bon, ben, ferme ta gueule pendant ma chronique. Oh. T'as pas le droit de parler. Donc c'était censé être le fun. Hey! Voyeur. C'est moi qui ai le micro. Un des quatre. OK, fait que Madame Nas, Ananas, s'il vous plaît. Ananas, oui, voilà, ta coach de vie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, quelle découverte as-tu pour nous aujourd'hui? Tout d'abord, bonne année 2017 à tout le monde. Je suis bien contente d'être ici avec vous. Non. Pour vous montrer comment tenir vos résolutions. Non! Ou du moins avoir une meilleure hygiène de vie. Moi je crois que la première règle à suivre, c'est de ne pas prendre ses résolutions trop sérieusement. C'est le rire qui est le secret. D'ailleurs, un de mes amis se prend beaucoup trop sérieux. C'est un zoon qui nie ses problèmes et qui noie tout dans l'alcool. On va mettre le feu dans la place. Je crois déceler un pattern. Ça vaut la peine de lui parler. Il faut qu'il voie un spécialiste endive hertissement. Oui, après il se rend compte que ça... Panait peut-être pas grand-chose. Je lui recommande personnellement d'aller faire un trip spirituel dans le désert du Sahara. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Tommy? Ou un grand voyage. Ça a de l'air malade. Explose! Ben, crouton! Mais ça panait patate, pas grand chose. Je lui recommande par contre d'éviter la chicorée du Nord. Et dire que j'aurais pu passer la soirée mais à la maison. Parlons d'exercice. Pour le yoga, là je sais que tu traînes toujours un tapis au cas que tu dois donner des leçons surprises. Quatre syllabes. Craftait longtemps que je traîne ce tapis-là. Petit truc, étirez-vous un peu avant l'exercice. Cela permet au corps de se relaxer et de s'habituer au mouvement. Écoute, j'ai été au Dollarama pour m'acheter un tapis, mais il n'y en avait plus. Tu recommandes quoi pour remplacer? Il y a sûrement moyen de se ranger. Il faut s'acheter un tapis qui vous convienne. Évitez les tapis nambourés. Ils vous donneront une mauvaise balance. Aussi, si vous avez peur d'avoir l'air fou, dites-vous coriandre rien à foutre et que de ce que les autres en disent. Sont où les projectiles, Tommy? Tu parles encore d'acheter des affaires, mais si on n'a pas de poignons, que recommandes-tu? Si vous n'avez pas de blé, je vous recommande de vous acheter une raquette de tennis. Le pire qui puisse vous arriver, c'est de dire « cresson qu'on fait là ». Aussi, si vous êtes un amateur de plein air, je vous recommande un chapeau, car rôtir au soleil n'est pas une option. Si vous avez peur d'avoir... Et rappelez-vous que vous pouvez tout faire en 2017. C'est l'année des possibles. Tout est possible. Alors, on va régler des affaires. Oh non! Quelqu'un de trop confus, car elle mélange tout, Harry qu'au mauvais moment, que faire? Arrêtez d'être veg. Mais il faut être prêt. Moi, je le suis. Toi, l'es-tu? À vrai dire, je suis pas certain. J'ai trop bu. d'artichaut. Non, mais il y a du temps qui a été investi là-dedans. Justement. Tu fais attention de ne pas faire de niaiserie et de ne pas te faire embarquer par la police dans le panier. Tu vas devoir appeler un avocat. Chez Poche, si j'en connais un, sont mes poches. Chez Poche. Ils sont mêlés dans leur papier. Ils sont là, je veux dire. Phew! Une chance qu'on les a. À date, je suis surtout intéressé par la façon dont ils gèrent leurs photos de légumes. C'est... Ouais, je suis. Ça va bien, ils sont bons. Je trouve ça le fun. Que... Aïe, aïe, aïe. On fait attention dans ce cas. Si jamais ça arrive, dis-toi que c'est important de vivre des affaires de même et puis d'en retenir une leçon. Sauf je conseille. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir demandé conseil. Je vous laisse sous ce proverbe. Une hirondelle d'oignon ne fait pas le rouleau de printemps. Au plaisir à tout le monde. Non, mais... Encouragez-les pas trop, là, quand même. Ils ont raison d'applaudir en même temps, ça... Ça demande un certain talent. Brillant! Est-ce que c'est un bon talent ou un mauvais talent? Je sais pas. Vous jugez, les amis. À un moment donné, j'avais enlevé mes lunettes en signe de découragement, puis je voulais renlever mes lunettes en signe de découragement. Mais il était déjà là. Ah oui, je comprends. On passe-tu au prochain au plus vite? Puis on met ça dans le rétroviseur. Ouais. On passe au prochain au plus vite. Calme-toi, j'ai encore mes vêtements. Ça sera pas dur à toper, je sais pas. J'avais pas le bon terme. Hey, ma blonde, elle aime pas ça quand j'ai dit « I'm gonna grab you by the pussy ». So, j'ai changé ma formulation. À cette heure, je dis « You grab my heart by the pussy ». Ah ouais, bien sûr. C'est lourd, c'est très lourd. À la maison, tu veux dire? Ouais, à la maison, c'est lourd, lourd, lourd. Une maison, c'est pesant. Ah, oh, ta gueule. Les fondations de la vie. Vous êtes nombreux, c'est le fun? C'est ça. Déjà cinq ans pour moi. Et là, j'avais envie de faire une rétrospective, mais je suis un peu comme Bruno, ici présent. Je suis veg. Fait que j'ai pas fait grand-chose. Cette semaine, je regardais le monde aller avec leurs oreilles basses, hein, puis leur allure de tout inclus dans le sud. Puis je me disais, c'est pas facile, tu sais, le loyer coûte cher, la bouffe est plus achetable, tu sais, les élus s'engraissent pendant que nous autres, ça nous coûte des bras, tu sais, c'est pas facile quand l'espèce est en voie de disparition. Puis non, mais je te le dis, mais c'est parce que tu le réalises peut-être pas, on est dans la merde. Et bon, je vais passer à un autre sujet. Si tu te fais attaquer par un loup-garou, là. Mettons. Admettons. Tu te fais attaquer par un loup-garou. Puis t'as un fusil avec une balle en argent. Sur toi. On peut dire que t'es quelqu'un de prévoyant. Ben, en tout cas, que ta prévoyance a porté ses fruits, ben, je... la prévoyance a porté tes fruits. Ben oui, c'est ça. Mon fils, cette semaine, il arrive en courant et il me dit: Papa, c'est quoi la vie? Et là, moi, je dis: la vie, c'est un point de vue. Là, en ce moment, tu m'empêches de voir la TV dans ta chambre. Tu sais, c'est... T'es en avant de la TV, tu sais. J'écoutais mes cassettes de La Voix. Moi, je tape ça, La Voix. Hein? Oui, oui. En cassette? Je réécoute ça en loup. Ouais, je tape ça. Ouais. Je tape ça, ben oui, je tape ça. J'ai ça encore, moi, mes jokes de VHS, là. Non, mais on est en 2007, fou, la récupération, c'est important, là, je veux... 2017, ouais. Hey, selon ma psy, je devrais juste écouter de la musique instrumentale. Ça m'empêcherait de pogner les nerfs après les auteurs. Et ça, c'est un problème que j'ai. C'est récurrent. Tu parles de Marimé, des fois. Puis... Ah, si, oui, je crie Marimé. Ouais, ouais. Éric aussi. Le dernier en liste, là, c'est Steve Veilleux, hein? Le chanteur de Caen. Moi, je l'ai poursuivi, hein, ce gars-là. Avec un couteau au début. Après ça, lui, il m'a poursuivi, hein, côté court. Voilà. Là, il m'accusait de tentative de meurtre alors qu'il ne s'agissait manifestement, hein, que d'un avertissement en règle. On se calme. Toi, t'as vu venir sa carrière solo, fait que t'as dit non, on va mettre ça dans la nef. On va, c'est ça, dans le cercueil. Puis, mais la game étant ce qu'elle est, hein, 500 000 piastres en dessous d'une toge plus loin, c'est moi qui l'accusais. En tout cas, c'est moi qui l'accusais, hein, de faire outrage à l'espoir. Outrage à l'espoir en chantant la détresse de la trentaine. Qui mange de la merde, c'ti? S'il n'est pas content de s'être fait une famille, puis des enfants, puis une blonde qui calisse son camp, s'il a le droit, c'ti, Thelma et Louise. Ah ouais, vas-y. Oh, parle-moi pas là-dessus. Mais j'ai pas gagné. Non. Paraîtrait qu'on peut pas poursuivre le malheur des autres. Ah, ben c'est ça. Hein? Le juge a quand même mentionné là, dans son rapport que nombreuses sont les raisons de se questionner sur le sens profond de certains textes apportés par Veilleux. Hashtag je veux jamais t'entendre dire jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, calice? Bon, en tout cas, parlant de texte de marde, il y a une mauvaise nouvelle, on a su ça. Oui. La chicane reprend du service. Tabarnak! Pourquoi tu m'as abandonné? À un moment donné, il faut aller plus haut, tu sais, pour avoir des réponses. Après 20 ans de répit, Tommy, 20 ans où ils se sont fermés la gueule. Non, 10. 10 ans? Ouais. Ah, ça m'a paru tellement ouais, plus long. Ça va bien. Quand tout va bien, tu sais. Boum Desjardins et sa gang de dinosaures musicales, hein. Ils ont trouvé un restant de soupe tiède à nous servir. Tu vas voir, ça va goûter la même affaire que ça goûte depuis que t'es enfant. Parlant de patente pas mangeable, Mario Benjamin. Oh, on descend plus bas un peu, justement. Ouais, toi, tu le suis encore sur les internets, oui, toi, oui, t'es capable, toi. Moi, je suis sur les internets avec Mario Benjamin depuis la première rencontre que j'ai eue avec, hein, ces enfants-là. Ça m'avait beaucoup touché. La manière dont il se sert maladroitement de tout ce qu'il a en sa possession, ce gars-là, c'est incroyable. C'est maladroit en calice. Et on a un très bon exemple du 22 janvier, hein, c'est pas loin, là. On vient de finir de. Ça, il vient de commencer à refroidir, là, le 22 janvier. Ouais, c'est vrai. Et 6h55 p.m. Avertissement! Parce que c'est tout en caplock, mais là, je le gueulerai pas. Il fait du Marie-Chantal Toupin. On se calme, Mario, hein? Avertissement. Beaucoup de monde sera retiré de mes contacts. Si vous en faites pu, P-U-E, partie, je ne vous en veux pas. C'est que vous ne partagez jamais, depuis longtemps, ma musique et vous m'encouragez pas à atteindre enfin mes rêves de gagner ma vie avec ma musique. C'est encore un rêve? Voyons, ça fait 30 ans qu'il essaye. C'est une aspiration. C'est le punch. Non, mais Mario, en partant, là, ça marchera pas. En tout cas, cette page est née pour me faire connaître au maximum. Mais misère. J'ai pas besoin de monde qui n'achète pas mon album, à moins qu'il ne peut le faire à cause des problèmes d'argent. Vous autres, je vous garde. Il garde les problèmes d'argent. Prouve-les. Prouve-les, esti. Ah, le monde envoie leur rapport d'impôt à Mario. C'est incroyable. La honte qu'il développe chez les gens, hein, moins friqués. Il dit... Je veux que ça bouge pour moi en 2017, alors ne m'en voulez pas si vous faites plus de mes contacts. Merci. Merci, il n'y a pas de faute dedans. Bravo! On peut l'applaudir. Mais merci, Mario, parce que c'est la première fois que je prenais en photo quelque chose sur mon cellulaire. J'ai eu bien du fun à apprendre comment ça marchait. Et là, hein, Dieu du ciel... 176 commentaires, 37 partages et 296 likes, j'aime, pleure, je ne peux pas acheter ton album, Mario, mais garde-moi dans tes contacts, s'il vous plaît, puisque cet automne, j'aurai un emploi. Cet automne, je pourrai acheter ton album Rock and Blues. Il appelait ça Rock and Blues. Ouais. Rock and Blues. C'est un album de reprise de ces tunes qu'il n'a rien fait de neuf depuis. C'est ça, là. Je pense qu'il y en a une nouvelle, puis c'est vraiment pas sa meilleure. Sa meilleure étant une reprise d'un autre band. C'est exactement ça. Ouais. C'est... Non, c'est même pas bon, ces reprises d'un autre band. C'est pas super bon ce qu'il fait. On peut se le dire. On peut se le dire. Bon, là, t'as plein de gens là, qui disent « Ich, un petit cours de marketing ne te ferait pas de tort. » Tu es sérieux, toi, Chris? Je pense que le mal est fait. Tabarnak, tu sais. Puis moi, tu sais, ça fait... Il sort ça à peu près aux deux mois. Je suis pas super surpris, tu sais. Il caploque des affaires comme « Vous ne ferez plus jamais partie de mes contacts. » Puis moi, je le niaise un peu. Moi, je le troll, mais sans rien dire. Comme, je partage rien, je réponds rien du tout. J'étais encore dans ses amis. Fait que je pense que vu qu'il a peut-être vu mon Facebook, on sait pas, là, ben j'imagine des choses, là, tu sais, comme je me mets plus haut que je suis. Mettons qu'il a regardé mon profil, tu sais. Mettons que Mario sait que j'existe, mettons. Il a l'air de passer pas mal de temps sur Facebook. Ouais, ça se peut. Ouais. Mais mettons là, qu'il sait que j'existe. Il a regardé mon Facebook, il a vu que je faisais de la musique, j'étais avec 70%, douteux, il y a déjà eu, tu sais, il y a un rapport. Fait que je pense, qui pense que je suis quelqu'un comme dans les contacts à avoir, tu sais, là? Tu sais, quelqu'un. Quelqu'un d'influent. Parce que t'es dans les médias. Voilà. Wow. Un trendsetter. Dans les médias sociaux. Je suis tellement déçu pour lui, esti. Depuis un matin, j'essaie de me crosser, je suis pas capable. Mais moi, aussitôt que j'ai quelque chose, je bande moins. En tout cas, Non, mais écoute, c'est fabuleux, mais tu sais ce que je te dis, là, pour vrai, il y a du monde qui ont vraiment écrit en dessous de ce tabarnak de statue de mon derrière-là. Il y a du monde qui ont écrit pour vrai, tu sais, j'ai pas beaucoup d'argent ces temps-ci, peux-tu me garder dans tes contacts? On a d'autres mondes qui veulent venir, là. Va chier, calice, là. Non, non, tu m'enlèves pas de temps, c'est moi qui décide. OK. À date, je suis le meilleur que t'as eu sur le show. Ouais, mais c'était les légumes avant. À date. Minute, là. Je sais que ça s'en vient, là. Ça va être meilleur après moi. Hey, en terminant, je ne prendrai pas trop de temps. C'est ton père qui est dans le fond là-bas, hein. Ouais, salut, papa. Salut. C'est de sa faute, toi. Oui. Et ça. Bon, ben, on va être obligé d'y dire, là. À tous les lundis, je viens essayer de tester les limites du bon goût, tu sais. Pis... Au nom de tous, hein, et du fond de mon cœur, merci. Merci. C'est ça. T'étais sur le va chier, hein? Va chier, papa! Merci, Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs! Hey, des nouvelles de Mario Benjamin à 70%, t'attendais-tu à ça, non? C'est drôle, on dirait que plus ça avance, moins je comprends le concept de la soirée. C'est vraiment... Bienvenue, hein? T'es le premier qui pense à ça. Tout ceci est un total point d'interrogation. Là. Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Hey, dis donc, Alex, notre technicien, qu'on passe au prochain. Alex, notre technicien, on passe au prochain, je pense. Peu importe de quoi, oui, qui va s'agir. Ça marche. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Ah, c'est... Oh, qu'est-ce qui se passe? Hey, salut! Comment ça va? Salut, Kevin! Hey, toi, t'aimes-tu ça, le fromage? Moi, d'une certaine façon, oui. Moi, j'ai amené ma petite dose de fromage au cas où ce que je battriperais, là. Que je te vois pas toucher à mon fromage, c'est à moi, OK, là? Qu'est-ce que je suis censé répondre? Là, GS, il m'a envoyé ici pour lire sa meilleure correspondance ever du magazine Fan Club Wow en 1988. OK. Ouais. Puis, en tout cas, je vais vous lire ça. Ça commence avec « Qui es-tu? Tu étais au Festival du Trois-Roues à Dupuis. Tu avais les cheveux bruns courts et les yeux bruns. Tu es mince et de grandeur moyenne. Tu portais un coat et des jeans à l'acide. » Tu étais derrière nous lorsque le Bigfoot est passé. Hey, Je pense que c'est qui, ça? Alors, je vais finir, là. Si tu te reconnais, envoie ta photo et une lettre à Mélanie Trudel. Hey, c'est Pierre Duquette, ça! C'est mon ami, Pierre Duquette! Je le sais, parce que moi et lui, là, Pierre Duquette, on allait tout le temps voir ça, les affaires de le festival de Bigfoot. Des trois roues de moi, je serais bien gros sur Gravedigger, OK? C'est mon préféré. Puis moi, là, j'ai été 5 fois à prendre le métro pour aller au centre-ville, puis les 5 fois, c'était pour aller au Super Motocross. Parce que moi, j'aime ça, les bicycles à gaz. OK, là? Bon, puis... ouais, c'est ça, là, je pense que c'est Pierre Duquette. Ben oui, esti, c'est, ça ressemble carrément. Puis ma mère, là, ma mère, elle me l'a dit à moi. Je m'en rappelle plus. Attends, l'as-tu dit, ma mère? Ma mère à moi, te l'as-tu dit? Là, tu me demandes si on a parlé de Pierre Duquette quand il est allé au Festival de Trois Roues du Puy en 1988. Mais non, mais... Il y a Bigfoot qui est passé. Je m'en rappelle plus, c'est quoi. Ah non, je sais, c'est quoi que ma mère, elle m'a dit? Elle m'a dit, Kevin! Là, tu vas aller au Loisir Saint-Donat, au Centre culturel, tu vas me pogner des billets de bingo, parce qu'ils pensent à cette heure à ta vie communautaire, c'est super pratique. Puis troisièmement, là... Abort! Qu'est-ce qui est en train de se produire? Troisièmement, là... Moi, là, je sais pas pour vous autres, mais moi, là, j'ai comme une espèce d'envie de me pogner les mamelles. Puis c'est certainement pas moi qui va m'empêcher de le faire si je veux. OK, lui? Bien dit. Kevin, mesdames et messieurs! Il traîne un baguette de fromage au cas où qu'il y a un besoin, hein? Ça va, Charles? Oui, oui. Ouais, on était pour te demander de revenir chroniqueur à un moment donné. Penses-tu que t'es assez unique pour... Je pense qu'on peut arranger quelque chose, mais je peux pas topper les légumes jusqu'à maintenant. C'est impossible. Il était deux, hein? Faut que tu trouves une coach de vie en premier. Je suis pas un assez grand consommateur de fromage et j'ai pas assez de jeux de mots de légumes. Mais le fromage, ça se règle assez facilement, ça. Quoi? On est prêt pour le prochain! Il y a tellement d'interprétations différentes à cette phrase-là. Ah oh oui, ce gars-là. Ah, Portalance. C'est mon Portalance, mesdames, messieurs. Je l'en connais, il est sur mon Facebook. Hey! Très longtemps. Bonjour, ça va bien? Hey, salut, toi, content de te voir. Ouais, je suis content de tout vous voir en même temps. Wouh! Ici, 500e de 70%. You bet! Et ma 30e chronique répertoriée depuis 2 ans à 70%. C'est vrai. Ah, une double célébration. On et la relève, toi. Hey, là, je suis tout émoustillé parce que aujourd'hui, là, si c'est une journée spéciale, je vais me gâter. Je vais chanter une chanson. Yeah! Non, ça ne sera pas du Bernard Minet. Oh! Ça ne sera pas Les Musclés. Oh! C'est un classique québécois. Ah, pas du Mario Benjamin. Non, tu y parles des fois. C'est drôle, c'est comme les deux Denis Drolet mergés en un double. Avec un gros régime aussi. T'es tellement pas la première personne qui a dit, mais je m'attends pas. Fait que tu vas nous chanter quoi à Portalance? Je sais, vous allez le deviner. Mais je tiens à deviner. Là, ça veut dire que vous êtes de mauvaise foi. Ah, il va faire du karaoké. Il est pas créatif. Wow, minute. La toune, là, je l'ai refaite à tous les instruments. C'est moi qui ai fait tout. Le clavier, la guitare, la basse, le drum. Là, on tout. Avait la track karaoké, ça aurait été bien correct. Elle n'existe pas, Tommy. Hein? Oh! Parce que c'est une chanson trop haute pour exister en karaoké. Mais moi, je l'ai refaite. Et ça part comme suit. Blue jeans sur la plage. jeunes se sont aimés tout au long des mois d'été. Drôle, Simon est sur mon Facebook et je me suis demandé longtemps comment sa voix sonnait. Me voilà surpris! Là, tu sais même comment sa guitare sonne. Vraiment dans ça. Mais il s'étonne, car déjà c'est l'automne, les larmes aux yeux. Ils disent adieu avec l'espoir d'un retour. Blue jeans sur la plage. Besoin une chanson. Blue jeans sur la plage. Le podcast dure combien de temps? Tous ces serments nouveaux. Blue jeans sur la plage. Blue jeans sur la plage. Tout ce statement était dédié au roi de la chanson québécoise, Paul Sarrazin. Effectivement, ben oui, qui d'autre, qui d'autre. Merci, Simon Portalance, mesdames, messieurs. Oh, l'aventure. Ça faisait longtemps que je n'avais pas touché des mamelons qui n'étaient pas les miens, en tout cas. Merci, Simon. Il a vraiment consacré tout son temps à ça, hein? Ah, il l'a refait. Il fallait que ça se fasse. Le besoin est créé l'organe. Hey, il est l'organe. Hein. Hey, je pense qu'on est prêt pour le prochain. Dieu sait ce qui se dirige par ici. Salut Marianne. Hey, salut Tommy. Moi, je me rappelle, je t'ai dit qu'on était pour faire le 500e la soirée, le 23, puis t'as dit, ah, j'ai quelque chose pour vous autres. Ah, ben oui, ben écoute, je serais chicané si tu m'aurais pas invité, Tommy. Ben, t'es pas mal tout le temps la bienvenue, là. C'est ça, prends pas ça pour acquis, puis let's go. Yes! Hey, bon 500e tout le monde, vous allez bien? Yes! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, Tommy, hein? L'attente. Hein? Parce que l'attente, il n'y a que ça pour être déçu, puis il y a beaucoup de philosophies qui s'entendent à le dire, Tommy. Or, on ne veut pas être déçu, hein? Oui. Mais c'est quand même dur de ne pas être déçu, tu sais, parce que d'avoir des attentes, ça se fait sur bien des plans. Puis, gars, tu veux, je vais te donner un exemple. Moi, depuis un certain temps, en fait, depuis un an et demi, je marche avec une canne. Puis, c'est pas pour du look. Hein? J'ai un mal de dos qui ferait blêmir les Chuck Norris de ce monde. Yeah! Puis, ceci dit, ça m'a aidé à voir à l'envers du miroir des éclopés dans le métro, Tommy. C'est incroyable, tu sais. Parce que. Tu sais, des fois, on s'insurge devant l'absence ou la présence d'un comportement qu'on penserait acquis en société, tu sais, comme de façon naturelle. Mais non! Puis en étant éclopée dans le métro, j'ai pu y assister, j'ai pu le vivre. Puis ça vous tente-tu que je vous en fasse une chanson? Ben, j'espère que oui, parce que Jeff est en train de se bloguer, puis tout. Ben ouais, mais monsieur Cardinal, je pensais que Gérald tremblait pendant un instant, ça m'a vraiment surpris. Non, mais de loin dans l'obscurité. Et merde, tout ce que je voulais, c'était me faire des amis. Il t'a comparé à un ancien politicien. Mais c'est quand même incroyable, c'est comme un bassiste de poche, on en parle puis il apparaît. Tu sais. C'est vrai. C'est extraordinaire. Hey, on va checker voir si j'ai du son dans le. Yo, oh wow. On fait affaire avec les meilleurs. Ouais, fait que pour l'occasion, je vais prendre un petit peu de reverb partout parce que c'est de l'émotion, hein? C'est important, t'sais. C'est le transport en commun, parlons-en. Puis sinon, ben, je vais vous dire que je reprends une chanson de Jean-Pierre Ferland. Hein? Puis vous allez la reconnaître. Est-ce que tu peux rajouter un ninja dedans? J'aimerais ça. Écoute, ça s'en vient. Cool. Laisse-moi faire. Fait que... Suffisait de demander. Suffisait de demander. On y va là-dessus. Un peu plus haut, un peu plus loin, je ne veux pas rater le train. J'y mets le pied, canne à la main, espère un siège, mais en vain. Je reste là, guette les visages qui ont en moyenne 30 ans d'âge, plaqués contre leur cellulaire et qui ignorent les grands-mères. C'est beau, c'est beau, la jeunesse d'aujourd'hui dans le métro. Merci. Ça aurait été vraiment hot avec un deuxième musicien qui a l'air de Denis Coderre, soit dit en passant. On brainstorm, là. C'était JF Cardinal à la base, merci. Oui, merci. Notre douchebag pas préféré, un de nos trois préférés. Merci à toi, Marianne, c'est la fin de ton aventure. Fait que si j'ai compris, c'était une reprise de Jean-Pierre Ferland pour Le Monde qui ont mal dans le dos dans le métro. Exactement, avec une interprétation de... Ben, enfin, et voilà, bon 500e. Bon 500e! Merci beaucoup, all right! Puis, est-ce que tu reprends un petit peu conscience? Marianne, est-ce que c'est une des filles de Deux Folles et un Banjo? Ouais, ouais, ouais. Nice, je suis un super fan. Si vous n'avez pas découvert son band, c'est vraiment, vraiment super le fun. Oui, c'est vrai, Deux Folles et un Banjo, oui. Je maintiens que c'est pas le meilleur nom, mais bon, c'est ce qu'ils font avec. C'est souvent les pires noms qui sont les meilleurs. C'est vrai, hein? C'est mieux qu'à Deux Folles. Tout comme... T'as-tu un autre exemple? Non, c'est le seul exemple que j'ai. OK. L'unique exemple. Hey, parle à mon technicien, dis qu'on passe au prochain. Technicien, shoot nous dans le next, bâtard. J'ai essayé un personnage. Hein. Allô? Salut Marie-Pierre. Ça va bien? Ben oui, t'es rentrée sur du géant, toi, c'est le contraire de n'importe quoi. Ben ouais, c'est fou, hein? Notre bon chum Pascal, on lui dit salut. Allô? Sûrement qu'il nous écoute tout le temps. Oui. Oui, alors moi cette année j'ai eu 26 ans. Puis quand je merci. Elle a rien vu. Puis quand j'étais enfant, je pensais que passé 25 ans on devenait un adulte. Tu sais comme un adulte moyen de l'Amérique là avec une grosse maison, hein, une grosse job, des grosses fesses. Ce qui est le fun, c'est que j'ai toujours pas des grosses fesses. Mais par contre, je travaille toujours au Mike's à la place Versailles. Exactement. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, c'est le grand retour de la vente trottoir cette semaine. Ouais. Alors, c'est ça, j'ai décidé de surnommer mon événement de fête 26 ans, pas une scène, pas de contrat, puis plus d'orgueil. Mais j'ai eu une illumination pendant cette soirée-là de fête, pendant que je vomissais dans les cheveux de ma chum. C'est que l'important, c'est pas de réussir sa vie. Hein? C'est que tout le monde le pense. Merci, Facebook. Alors, la dernière fois, je t'expliquais comment bien mentir dans la vie. Alors, ce soir, je vais vous expliquer comment bien mentir sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai décidé de me développer des stratégies afin que mes amis de secondaire pensent que j'ai une vie extraordinaire et excitante. Et ça, c'est important. Et ça, c'est vraiment l'essentiel dans la vie. Ouais. Parlant d'excitation, l'autre jour, je me faisais avorter. Et qui dit avortement? Dit vie sexuelle épanouie. Hein? Alors, stratégie numéro un, donner évidemment l'impression, évidemment, de mener une vie sexuelle épanouie et active. Et ce qui est le fun dans une clinique d'avortement, OK, c'est qu'ils donnent le Wi-Fi gratos. Oh yeah! Alors, j'ai été stand-by deux minutes, oh yeah, en attendant le docteur, et je voulais montrer aux gens de secondaire que j'étais une grosse cochonne. Alors, j'ai sorti mon cellulaire, et clic, un selfie original comme photo de profil C'est le fun, hein? Mais là, j'ai fait un petit montage sur Pain, j'ai écrit en dessous. Il est parti! Mais avec un émoticône triste quand même, là. Je l'ai pas avoir l'air d'une sans cœur. Ensuite! Stratégie numéro 2. Donner l'impression d'avoir une personnalité d'enfer. OK? Pas que j'en ai pas une, mais en tout cas. Non, alors, je comprends. On parle pas de la réalité, on parle de l'impression. L'impression que j'ai aux gens, à mes anciens amis de secondaire. C'est eux que je vise. C'est eux mon public cible. Tu vas les voir bientôt pour les 10 ans. Ben justement, ça fait 10 ans cette année. OK, fait ouais. Alors, mon truc, c'est simple. Je publie 150 fois par jour mes résultats de quiz de personnalité du genre « Au lit, quel genre de légumes es-tu? » Ah, j'aime ça. Ouais. Quelle Spice Girl serais-tu? Exactement, exactement. Tiens, le retour des légumes. Exactement. Et c'est hot en temps dans une chambre à coucher une tomate fendue. OK, je fais comme ça. Et en plus, je lance comme message subliminal à mes amis de secondaire comme quoi je mange toutes mes portions de fruits et légumes chaque jour. Et ça, c'est très important. Échec et mat. Hey, yeah! Stratégie numéro 3. S'assurer que ton profil ne passe pas inaperçu. Et ça, c'est très important parce que sinon, tout ce que tu fais, on s'en calisse, hein? Alors, mon truc, harceler les gens, OK, avec des invitations de jeux de marde comme Farmville. Mais le plus souvent possible, le matin, dans le jour et surtout dans la nuit, OK? Parce que les gens de mon secondaire aiment ça, se faire réveiller avec mes invitations. Comme ça, ils voient ma photo de profil, ils se réendorment et ils rêvent à moi qui se fait avorter en train de jouer à Candy Crush. Sûrement. Le succès, hein? Est-ce que tu joues à Candy Crush pour vrai? Pour non. Non, c'est ça. Moi, je joue même pas. Je sais même pas trop ce qui se passe. Je fais juste envoyer les invitations. C'est tout ce qu'il y a. C'est bon, je comprends. Stratégie numéro 4. Choisir la bonne personne comme contact légataire. Alors, je sais pas si tout genre... Et ça, c'est très, très important. Je sais pas si vous savez, mais on peut mourir n'importe quand. Hein? Oui. Et maintenant, Facebook nous permet de choisir un contact pour s'occuper de notre compte Facebook quand on meurt. Je vous l'apprends, vous pouvez aller tout de suite régler ça parce que moi, j'ai un ami qui est mort de secondaire, justement, cette semaine, et c'est un peu creepy de voir toujours sur Facebook. En tout cas, bref. Mais là, c'est ça. Faut que tu te prennes comme à ta juste. C'est toi qui choisis. Moi, personnellement, j'ai décidé de concocter quelques petits messages pour mon contact légataire, OK? Pour qu'il les partage sous mon nom à mon décès. T'sais, un peu comme dans le film PS, je t'aime. Sauf que moi, je signerais plus comme PS, la chicane est revenue, informe-toi, il y a sûrement moyen de ressusciter un cadavre décomposé. Hashtag réussir sa mort. Alors, dernière stratégie, numéro 5, suivre les tendances Facebook du moment. Et ça, c'est selon mes propres statistiques, en 2017, comme en 2015, comme en 2016, ça fait longtemps que je suis là-dessus, les mamans Facebook ont la cote. Alors, il faut ce qu'il faut hein, pour avoir l'air cool. Je vous annonce officiellement que je suis encore enceinte. Hey! Mon seul souvenir de ma fête de 26 ans. En tout cas, j'espère que ça te rend heureux, JF, de nouvelles-là. Mais moi, je vais être une mère sa grosse coche. Par exemple, OK, parce qu'il y a du monde, en tout cas, il y a une fille à la place Versailles, où je travaille, qui a laissé son enfant de 6 mois dans le char, les fenêtres baissées en plein soleil. Hey, grand innocent! Tu veux pas te faire pincer, laisse-les dans la valise. En plus, la chienne, elle a eu 10 000 likes sur LCN. En tout cas. Pour conclure, je vous laisse sur un petit poème que j'ai écrit à mon petit bébé qui s'en vient. J'imaginais ta petite face de lion quand je perçais les condons. Même si à cause de toi, j'ai l'air de Jumbo, je sais bien que ma popularité sur les réseaux sociaux va gravir le Kilimanjaro. Je pensais à toutes mes futures photos de profil, mais ce serait-tu un L ou un IL? De 50 à 300 likes. Oh my God! Je commence à perdre le fil. Si tu pouvais être les deux, ça serait encore mieux. Ah ouais, je t'en supplie, un petit bébé hermaphrodite. Promis, après, j'arrête de me rouler le clit. OK, ça, ça n'a pas rapport, là, mais il fallait que ça rime. Mon petit lion, inquiète-toi pas pour ma grosse bédaine. Chez Dolorama, sont pas chers les gaines. Toi puis moi, une folle histoire d'amour plus qu'intense. J'ai tellement hâte que Facebook partage ta naissance. Mon petit bébé d'hiver, même s'il fait froid, je te tag. La chaleur de ton arrivée m'inspire ton prénom. Je t'aime, mon petit hashtag. Oh! Oh, tu vois. Ouais, ouais, hashtag. C'est fini? C'est fini, merci. Merci Marie-Pierre. C'est vraiment des conseils à suivre à la lettre. Faudrait vraiment pas enchaîner ça avec un rire de retour à la maison. Ça, non, c'est pas le bon temps. Là. Il était bien plus pertinent tantôt. Effectivement. Mais, toi, t'es présent sur les réseaux sociaux. Charles Beauchesne, tu utilises ça pour te popularisationaliser. C'est mon gros outil. Je tweete pas. Il y a pas assez de caractères. C'est pas très québécois, en fait, tweeter, je pense. Twitter, c'est pas très québécois. Je pense que c'est Facebook plus. Twitter, c'est pas québécois? Ben, non, mais ce que je veux dire, c'est que les artistes au Québec utilisent moins Twitter, je pense, selon moi. T'es pas abonné au feed de Louis T, toi, parce que... Ah non, parole, ça, non. Il nous engarroche directement dans la gorge. Même si on n'en demande pas. Donc, pour te suivre, c'est Charles Beauchesne sur Facebook. Charles Beauchesne sur Facebook, j'ai une page artiste et une page personnelle, si vous voulez me voir me faire du spag sacré. C'est bien, je pense, d'avoir... Je pense d'avoir l'une des deux, je pense que c'est bien. Les deux, on l'a. En fait, la page artiste, je vois pas mal les mêmes affaires que sur la page personnelle, moins des photos de moi en bobette qui déprime. Là. C'est mais peut-être cool. Que le monde, ils veulent voir ça. Généralement, les gens veulent vraiment voir ça. Il y a pas beaucoup de likes sur ma page artiste. Les gens veulent vraiment voir dans une spirale de sombre dépression. Yeah! Tu devrais arrêter de jouer à Vampire. Je pense que ça l'arrêterait ta dépression. Ah, mon Dieu, tu me dis à quel point ça m'aide de pas être moi des fois. Mon Dieu, ça fait du bien. T'es un quoi? Ah, moi, je suis une Malkavienne écolière japonaise qui se prend pour Jeanne d'Arc. Non, le concept de personnage est vraiment badass, vous seriez surpris. Ouais, si peux-tu nous en parler, pendant une demi-heure, s'il te plaît? Non. Merci, on passe au prochain. Bon, là, inutile de vous dire qu'il est en train de se passer quelque chose que je comprends pas. C'est le grand crotal! Les gens souffrent, mais je peux mettre fin à leur souffrance. Concentration du pouvoir. Êtes-vous convaincu de la magie du spiritisme? Mon nom est Grand Crotal. Je suis un occultiste montréalais. À travers la chronométrie du vide, il existe des chiffres encore inconnus à la conscience. Peut-être avez-vous compté jusqu'à 1000, mais avez-vous compté jusqu'à 100 plus l'infini? Vous êtes concentré, mais vous n'écoutez pas. Vous devinez, mais vous ne répondez pas. J'aime voir à travers les spectres. À partir du moment où je comprends quelque chose, je peux traverser la matière. Ce que je fais n'a rien à voir avec la magie. Il s'agit tout simplement de voir. On dit que les saucisses Lucier réinventent l'art de la saucisse. Nous allons maintenant communiquer avec un expert qui s'y connaît en faveur de saucisses. Votre verdict sera-t-il juste ou non juste? Sera-t-il vrai ou non faux? Tout dépend de la perception extérieure et de l'effort d'ambiance. Veux-tu que je tienne ton micro pendant que tu le dis? On a un message de la saucisse Lucier, là. Calvaire, Damien, hostie. Grand crotal. Est-ce que ça ressemble à une saucisse? Ça goûte la saucisse, mais ce n'est pas de la saucisse. C'est les saucisses Lucier. Saucisse Lucier, vous me confondez. L'avenir de la viande est prédéterminé à l'avance. Mais nous avons aussi des ectoplasmes qui sont à l'intérieur de notre esprit. The fuck, dude? Dans cette bouteille a été enfermé un être humain qui venait de mourir. Son nom était Gilles et il a probablement quelque chose à nous dire. Nous allons l'écouter maintenant. Gilles, qu'as-tu à nous dire? Merci Gilles de nous avoir parlé avec sagesse. Je vous rappelle que je ne fais pas de magie. Je me contente de consolider les forces qui reposent à la base de mon être. Pour mon dernier numéro, j'aimerais maintenant faire confiance à la science du hasard. Quelqu'un, quelque part, a choisi un numéro entre 1 et 22 222. Vous riez, mais cela n'est pas une blague. Il s'agit réellement de pouvoirs parapsychiques. As-tu choisi un numéro? Oui, grand Cratal. Quel est ce numéro? 22. Pourquoi 22? Parce que 22. 22. Peut-être que 1 plus 1 égale 1, alors que 2 plus 2 égale 2, mais 2 plus 2, c'est aussi 22. Je vais vous demander de vous concentrer et de lever votre main comme ça. Et avec votre majeur, de faire ça, de cette façon. Vous allez répéter moi. Vous allez répéter moi. Vous allez répéter moi. Ala Gollum, gala galou. Ala Gollum, gala galou. Gala, gala, gala, gala. Gala, gala, gala. Une madame, quelque part, a une sacoche. Elle ne sait pas pourquoi elle a mis un papier dans sa sacoche, mais elle l'a mis quand même. On va tout de suite aller voir. Est-ce que quelqu'un, quelque part, une madame, a quelque chose dans sa sacoche? Qu'elle lève la main. Je crois que j'ai quelque chose dans ma sacoche. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un papier. Est-ce que tu pourrais me lire qu'est-ce qui est écrit sur ce papier? 21.5. On retient ça, 21.5. Notre contact a dit 22. Mais il manque le .5. Où aller chercher ce .5 qui manque? C'est une question que je pose à l'assistance, mais aussi aux forces cosmiques qui nous écoutent. Ou peut-être pas. Force cosmique, où est le .5 qui nous manque? Il semble y avoir un homme malheureux près de la colonne de son. Est-ce que cet homme peut s'approcher? Est-ce qu'il peut s'approcher? Homme malheureux. De la lumière, homme malheureux. Bonjour, qui es-tu? Denis. On dit bonjour à Denis? Bonjour, j'ai un problème d'alcool. Je bois de la Pabst Bleu .5 d'alcool. Est-ce qu'on a trouvé notre .5? Êtes-vous convaincu de la magie des éléments? En terminant, je ne serai peut-être pas avec vous. Peut-être ferai-je du bobsleigh sur les pentes de la trigonométrie de l'esprit. Mais avant de vous quitter, je veux que vous soyez convaincu d'une seule chose. Les pyramides n'ont pas été bâties pour rien. Et votre conscience demeure à la surface des eaux limpides. Le grand Cratal, mesdames et messieurs! Comment, Charles? La spiritualité, les fantômes, as-tu déjà vu ça? T'es-tu un believer? Ah, maintenant, j'ai plus le choix d'y croire. Ce n'est pas un homme, mais un mage. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je comprends ce que tu dis. Tu dis, on passe au prochain. Hein. Je suis en train de donner un indice d'aller dans cette direction. Salut Florence! Je suis contente de vous voir, je viens juste d'arriver, c'est cool! Ben oui! Fait que, ben, ma chronique d'habitude. Joke de légumes, quoi? Vas-y, fous-toi de lui, là! Ben, comme à l'habitude, je fais des chroniques de films et cette fois-ci, j'essaie d'innover. Je ne ferai pas une chronique de films, mais je vais vous raconter des histoires de ma famille. Donc, un peu d'intimité pour ce 500e épisode de douteux. Ah oh, ouais, on s'en va dans le paillette world. On s'en va en paillettonésie, ouais, clairement. Alors, la légende se nomme « La fuite en Égypte ». Il était une fois dans les contrées lointaines du Greater Chicoutimi. Mon père, ma tante et mes oncles partirent de Matane pour aller voir leur frère Hector, souverain de son propre royaume en forme de bungalow, et son ogresse, sa femme, en rentrant dans le château, d'un étage avec sous-sol, ils se rendirent compte que tous les sofas et les e-boys royaux étaient recouverts de plastique. Étrange, pensèrent-ils, mais cela ne les empêchait pas de se mettre à l'aise au royaume d'Hector. Mon oncle, content de voir sa famille, les reçut comme il se devait. Le ton de l'ogresse retentit soudainement dans le château. « Avez-vous enlevé vos bottes? » dit-elle avec un ton que l'on peut comparer à la musique de Nickelback. « Ouais, » répondirent-ils tous en cœur. « C'est parce que je sais pas qui a fait ça la dernière fois, mais il y a quelqu'un qui a sali mon tapis. » Mais on vient juste d'arriver, » dirent-ils. « T'es quoi? Vos bottes, pas dans la maison. » Les visiteurs interdits se regardèrent, mais continuèrent à faire comme si de rien n'était. Lorsque le souper fut prêt, tout le monde tenta de passer à table. « Non, vous mangez pas ça à table, » dit l'ogresse. « Ben, on va manger où? » demanda ma tante. « Sur le comptoir. La table, c'est pour la visite. » Et c'est comme cela qu'ils comprirent quel genre de soirée ils allaient passer. Tout au long des réjouissances et des festivités, la présence de l'ogresse se fit de plus en plus pressante. « Avez-vous lavé vos mains? » « Égratignez pas ma vaisselle avec vos couteaux et vos fourchettes. »« Gigotez pas sur vos chaises, vous allez foirer les coussins, il va falloir que j'en rachète d'autres. »« Mettez pas vos bas sur les barreaux de chaises, ça va les salir. »« Essuyez vos mains avant de toucher vos verres. »« Vous les grattez. »« Asseyez-vous pas trop fort sur les chaises, ça va les casser. » Après la centième réprimande, mon oncle Germain, lâchant sa bouteille de bière, se leva et dit d'un air coquin, « Vas-tu nous laisser tranquille, vieille folle? Moi, t'en sacrer une! »« Ouais! » »« Non! » L'ogresse était très en Simonac. Elle changea de couleur et s'apprêta à exploser tel un hélicoptère dans un film d'action. Tous se levèrent de table, souhaitèrent bonne chance à leur frère et prirent leurs jambes à leur cou, ne revinrent jamais, vécurent heureux et eurent une quantité acceptable d'enfants. C'était la fin du conte pour tous. Merci, Florence. Hey, quand même, il y a une belle morale, hein? Oui. Fais attention avec qui tu te maries. On passe au prochain. À moins que... Non, on est prêt. On est prêt pour le prochain. Ah non. Ils n'ont pas été mis au courant que ça veut dire qu'on arrive à la fin du show. Ça veut dire qu'on a fini ce 70%, excepté que Charles, tu vas nous gracier de quelques lignes de ta propre plume et de ta... Ben oui. Vous en venez? OK. Oh, je pense que oui. Fait que rapidement, je t'invite à aller prendre le micro qu'il y a là et à faire ton sale besogne. Et sinon, ben moi, je prends le temps qui me reste au micro pour vous remercier sincèrement d'être avec nous chaque lundi. C'est vraiment un plaisir incommensurable que d'être l'animateur de cette belle équipée. La semaine prochaine, on va être là encore. Il n'y aura pas de vote pour le film la semaine prochaine parce qu'on va écouter le dernier Neil Breen. Et donc, pour finir la journée, j'aimerais remercier Bruno, j'aimerais remercier les techniciens Mathieu et Alex, remercier tous les chroniqueurs. Et s'il vous plaît, on applaudit tout particulièrement notre invité et le gars qui va vous faire rire maintenant, Charles Beauchesne, mesdames, messieurs. Merci. Ouais. Merci. Applaudissez-les aussi, ça, c'est leur 500e, là, c'est... Come on, people. Yeah, cheers, mon chum. Salutations, bande de humbles weirdos. Non, c'est le fun, on dirait que tout le monde ce soir a des poils faciaux tous plus étranges les uns que les autres. Aucune cohérence dans la façon de... Ouais, mais qu'est-ce que tu veux juger? Non, tu sais quoi, j'ai aucune réponse logique à tout ça. On va y aller demain, comme ça. Je suis content que vous soyez là, en fait. Je suis content que vous soyez déplacés, parce que Ben, ça me fait sortir, en fait. Puis, je pense que c'est important à travers tout ça. C'est parce que, non, mais, vous savez, les humoristes, on travaille beaucoup à partir de la maison. Si par travailler, on entend bien sûr passer ses journées à se pogner le beigne sur Internet en écoutant de la pornographie chaque jour un peu plus inquiétante. Ah ouais, c'est ça, madame de 400 livres, assis-toi sur le homard. Ouais, non, je suis un peu inquiet de ce que ça va être demain, c'est pas. Ben, tout ça pour dire que dans mes 3 à 58 temps libres de la journée, j'ai commencé à écouter des affaires sur Internet, puis j'ai trouvé un truc, ça a l'air assez populaire. Connaissez-vous Dora l'exploratrice? Non, mais attendez, y a pas à dire. L'intrigue est vraiment corsée. Oh là là! Mais qui a volé la nappe du pique-nique? Est-ce Chapardeur le renard ou Honnête le hibou? Wow! Slow down! Moi, je suis censé survivre une pareille montagne russe d'émotions, oh là là! Et bon, pour les quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas encore embarqué dans l'aventure Dora, Dora l'exploratrice, de ce que j'ai réussi à comprendre du synopsis, c'est les aventures d'une fillette d'âge préscolaire et d'ethnie approximativement mexicaine. Donc, si on se fie à ses cheveux, il y a clairement un parasol à quelque part sur l'arbre généalogique. Bref! Dora qui vient de ce mystérieux pays d'Amérique latine où personne parle espagnol, mais tout le monde veut vraiment que tu apprennes l'anglais. Dora qui vit des aventures, ma foi, truffées de suspense insoutenable telles que « Regarde, j'ai deux ballons de la couleur pink. Peux-tu dire le mot pink? » Là, moi, je suis dans mon salon. Hein. Pink. Pink. Pink! Bien, pendant ce temps-là, mais pas du tout. Tout ce qu'elle fait, c'est me dévisager à travers l'écran en faisant... Pink! Pink! Pink! Bravo, tu as réussi. Mais oui, c'est certain que j'ai réussi. Tu m'as dit quel mot dire, crise de conne! Enchaîne, grand Dieu! Je commence à comprendre pourquoi il appelle Dora l'exploratrice. Ça fait juste 12 secondes. On est déjà en train de sérieusement explorer les limites de ma patience. Dieu sait ce qui nous attend dans la saison 4. Ouais, c'est ça. Sinon, ce soir, j'aimerais vraiment parler de quelque chose avec vous, parce que c'est une problématique que je trouve vraiment de plus en plus accaparante, puis c'est important parce que ça nous concerne tous en tant que société. La fucking sauce sriracha. Et si tout le monde commençait à en revenir, tabarnak. Non, mais OK, un instant, là. Oh, une minute, deux secondes. Pour ceux d'entre vous qui savent pas de quoi je parle, la sauce sriracha, ça, c'est une espèce de sauce thaïlandaise là, qui vient dans une espèce de bouteille avec un coq, histoire d'assaisonner tes affaires avec la subtile saveur du napalm. Et là, je sais pas ce qui se passe, mais depuis une couple d'années, pour une raison X, on dirait que tout le monde vient de se souvenir que cette affaire-là existe et trippe là-dessus comme des Mongols. Manteau. Le monde trippe sur la sauce sriracha comme le monde du début des années 90 trippait sur les téléphones cellulaires. « Hey, je te téléphone, puis je suis dans ma voiture! »« No fucking way! Nicole! » Et j'aime beaucoup cette sauce-là, c'est vraiment... Le pire, c'est qu'au début, ça a commencé comme une honnête marchandise de quartier chinois... Haha, des épices, quelle aventure, pourquoi voyager? Et. Du jour au lendemain, je sais pas ce qui s'est passé, on dirait que je peux plus ouvrir les yeux sans qu'il y ait quelqu'un avec une bouteille de cette affaire-là dans la gueule. Là, il y en a dans les casse-croûtes, il y en a dans les cafétérias, dans les hôpitaux, au snack-bar à Josette, il y a la mayonnaise au sriracha, les chips au sriracha, la crème glacée sriracha. Tenez-vous là pour dire, dans 2 ans, sriracha, la comédie musicale. Okay. On n'a jamais assez de sriracha parce qu'on n'aime pas le goût des aliments en général. Maintenant, je pense que j'ai déjà vu du monde en mettre dans leur char en se disant que ça allait faire comme dans Retour vers le futur puis que la voiture allait juste disparaître dans l'espace-temps avec des traces de pneus qui brûlent. Sur cette part-là, j'ai vraiment envie de leur quitter un livre pour retourner à une époque où les gens aimaient d'autres sauces. Est-ce que tout le monde a oublié que la mayonnaise existait? La mayonnaise, l'affaire blanche que tu mélanges avec la sriracha. Tabarnak! Niaisez-vous, esti! La sriracha, c'est comme vraiment le nouveau gars cool dans la cour de récréation des condiments. Le ketchup qui soupire dans un coin. Mes belles années sont derrière moi. C'était le fun le temps que ça a duré. Non, c'était trop dark le ketchup qui se suicide. C'est une sauce là, elle a pas de conscience, Ah non, mais je m'excuse, mais la crise de Sriracha, hey, seulement les gens se contentaient d'aimer ça dans le silence. Mais non, parce que l'effet secondaire de cette petite sauce là, c'est que la seconde où tu te mets à aimer ça, tu te mets à en parler jusqu'à ce que les gens décident volontairement de se gonner dans le chest. La seconde où t'aimes la sauce Sriracha, tu deviens automatiquement un disciple de l'église de Sriracha. Puis à partir de ce moment-là, ta vie se résume à parler de la sauce Sriracha comme si Jésus de Nazareth était sorti des nuages en s'en shootant dans la veine du pénis. Les gens aiment pas. Là, c'est rendu que je me ramasse à faire face à des affaires comme du monde qui vient me dire « Ben non, tu comprends pas, là, quand tu te mets à utiliser cette sauce-là, là, tu peux plus t'en passer. Ouais, c'est beau, je comprends ton point. Je suis certain que j'ai aussi beaucoup aimé le cristal meth. Sriracha a une page Facebook. Non, mais réalisez-vous qu'on est officiellement rendu à une époque où c'est populaire d'être une sauce. D'être une sauce. Savez-vous combien j'ai de likes? 82 000 personnes ont liké la page Facebook de la sauce Sriracha. Savez-vous combien j'ai de likes sur ma page personnelle? 700. Je me suis fait clencher par des épices. Des estis, c'est du piment. That's it! C'est le plus vieux condiment du monde, le piment. C'est, les Aztèques en mettaient sur leur... Aztèques, je sais pas vraiment ce que les Aztèques mangeaient, mais. Bon, ce que je veux faire, c'est pour ceux qui viennent de découvrir qu'ils ont la possibilité d'assaisonner des shit. Attendez de voir le sel! Non, mais excusez-moi, je m'emporte, là, mais c'est parce que cette histoire-là est en train de prendre des proportions. C'est vous ce que j'ai trouvé en vente libre sur Internet? Des porte-clés. Qui sont en fait de petites bouteilles de Sriracha portatives, juste au cas. Juste au cas de quoi? Si ne pas avoir 100% du temps l'impression que la catastrophe du lac Mégantic te sort du cul? De la sauce Sriracha portative? Mais qui a besoin de sauce piquante d'urgence? Si t'aimes plus la sauce Sriracha, t'es un junkie. La Sriracha est en train de voler ta vie. Prochaine étape, tu te retrouves mort dans une chambre d'hôtel avec une coulisse de Sriracha qui te sort du nez. Bien, un inspecteur de police qui s'allume une cigarette en faisant « Une fois de plus, j'arrive trop tard. » Trop tard de métier. Puis le plus amusant dans tout ça, c'est qu'on pourrait reprendre tout l'argumentaire que je viens d'avoir puis juste remplacer le mot Sriracha par le crossfit, le bacon, avoir une barbe, les chignons d'homme, le porc effilaché puis l'année 2014 en général. La calice de sauce Sriracha. Écoutez, j'aime tellement ça. Ah ouais, non, je m'excuse, le rideau se lève, voici mon terrible secret. Asti que j'aime la sauce Sriracha, j'en mets sur tout. Les œufs, les pâtes, la pizza, dans mon café. J'aime le goût, j'aime la couleur, j'aime le fait que les deux premières fois que t'emmènes à quelque chose, ça goûte pas assez, mais la troisième fois, t'as l'impression qu'il y a un réacteur nucléaire japonais en fission dans ta gueule. Si j'étais Vincent Vallière, j'écrirais une toune sur vieillir ensemble. Ça jouerait dans les mariages, puis tout le monde me détesterait. À l'image du véritable Vincent Vallière. Je sais même pas pourquoi j'aime ça, parce qu'elle, tout ce qu'elle fait, c'est me faire du mal. Dans le fond, la Sriracha, c'est un peu comme le mari violent dans une relation alimentaire de femme battue. Soir après soir, je me ramasse à pleurer aux toilettes. Dans le fond, c'est un peu moi qui l'a cherché. Puis là, ta sauce Sriracha qui arrive en camisole avec une coupe longueuil. Comment ça, le souper est pas prêt? On apprend à l'aimer quand on le connaît. C'est heure, dis aux gens pourquoi t'as des problèmes gastriques. Je suis tombé dans un escalier. C'est ça, l'escalier. Hey, je vous laisse là-dessus. Passez une belle soirée. Merci. 70% de 2.org. Place au film. Yeah. Charles Beauchesne. Ciao. Charles Beauchesne, hein, il nous a parlé de son Facebook. Il paraît qu'il y en a deux. Fait que ça vous fait deux places à aller liker et à suivre. Merci encore une fois d'être là. À partir de maintenant, on va laisser le contrôle à notre clown le plus mal à l'aise. Hein? C'est celui qui s'occupe de poche musique sur les Facebook. On connaît des gens et tout. Donc, à partir de maintenant, il va y avoir des projectiles. Et tous ensemble, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, mais j'aimerais qu'on regarde ici les règlements de notre club de visionnement. Donc, le premier, c'est « On parle à tout le monde du club ». Deuxième, attention, très important, « On parle à tout le monde du club ». Troisième, si quelqu'un chiale ou se plaint ou engueule, c'est signe que le visionnement s'éloigne de la neutralité, ce qui est bon. Parce que quand on se fait offrir ou qu'on endure de la neutralité, nous ne sommes point divertis. Et quand on consomme de la culture, ce qu'on veut, c'est s'éloigner de la neutralité, se retrouver diverti. Le quatrième, c'est ce qui justifie l'existence de cette pancarte-là. J'aime aucun projectile sur des êtres vivants. Et s'il y a quelqu'un qui comprend pas pourquoi j'ai écrit ça sur une pancarte, va consulter. Cinquième, on assume ce qui nous passe par la tête. Vous avez des voisins. Oui, il va y avoir des choses qui vont jouer et du bruit qui va sortir des speakers. On encourage les discussions à douteux.org. Et six, si c'est votre première soirée au club, vous devez vous poser au moins une question. Et c'est très valable de dire « Pourquoi il veut que je me pose une question? » Quelle question qu'il veut que je me pose? Et donc, à partir de maintenant, c'est un plaisir de laisser le contrôle à... Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'on peut lui dire salut? Cette petite face de malaise de calice. Alan Smithier, mesdames, messieurs, qui va faire notre VJ pendant les deux prochaines heures. J'ai entendu dire qu'il ne buvait pas d'alcool et que c'était sa fête, donc je me porte volontaire pour ses shooters, si vous avez envie d'y payer quelque chose. À partir de maintenant, j'ai rien d'autre à dire. Sinon que dans deux heures, je vais être à peu près ici, un petit peu plus magané à vous parler de Demolition Man, version française. Le destructeur, ouais, c'est ça. C'est un visionnement douteux, tout le monde. Merci d'être là. Merci, papa. Allô? Allô, papa? Joe Pirate, pourquoi pas les deux? Courageux de se questionner. Faites attention dans les escaliers. Un chihuahua étouffé de poche. Un hiver pour manquer. On prend la poche. Un robot du futur. Il faut du bar de pinot. Sommes gelés au brosage. Je suis considéré hot. Tu vas tout pour plaire à ceux que tu connais pas. Pas du temps pour l'important dans ton agenda. Quand tu prends deux secondes pour ouvrir les yeux, tu vois que dans la vie, c'est plein de trucs douteux. Je vois dans tes yeux. Je suis trop saboté. Je le vois dans tes yeux. Je suis trop saboté. T'as couragé de se questionner. Faites attention dans les escaliers. Pourquoi dans les films classés 13 ans, l'utilico explose tout le temps? Y'a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer les couleurs des ceintures de karaté? Pourquoi y'a des enfants, des annonces de char? Pour plusieurs, des barbeaux, c'est des œuvres d'art. Faut pas rester en cabané. Ton écran va finir par te rendre cerné. Je le vois dans tes yeux. Je suis trop saboté. Je le vois dans tes yeux. Je dis tout ça de tout. Des chiens qui me vendent des cellulaires, espèce de pour devenir populaire. Aller en Amérique latine pour apprendre le latin. Faire des jokes de viol avec des gens atteints. Voter pour des gens qui achètent leur vote. Des saucisses soldats qui fument du pot. Quand tu prends deux secondes pour ouvrir les yeux, tu vois que dans la vie c'est plein de trucs douteux. T'as couragé de se questionner. Faites attention dans les escaliers. On se pose des questions, c'est bien normal. En regardant des films bien spéciaux. J'ai pas du spécial, ça rime pas. Faut comme les tunes de Marco Fleche. Si t'aimes pas les chats, t'es pas à votre place. Je vais essayer ça. Hein. Non, mais ça paraît que je suis un début de grippe. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alors, vous êtes 70%. Est-ce qu'on me fait le petit pouce? Oh yes, merci Alex. T'es comme un génie qui n'a jamais été dans aucune bouteille. Donc, bonsoir tout le monde. Mon nom est Tommy Godette. Je suis très content d'être votre hôte pour cette nouvelle soirée. Encore une fois, le meilleur show gratuit du lundi au monde. Et ce soir, on a quand même toute une barouette de gens motivés pour venir participer. Le show va se terminer avec un visionnement de Le Destructeur, version française de Demolition Man. Je vais en reparler un petit peu plus tard dans la soirée. Juste avant, on a un set de VJ de notre clown le plus malaisant qui ce soir nous offre son anniversaire, en fait, parce que c'est sa fête aujourd'hui. Et juste avant, ben, on va avoir 70% avec Charles Beauchesne. Ce 70% qui, mesdames et messieurs, ce n'est pas une blague. Si j'additionne toutes les folders qui contiennent des shows, on est rendu à faire notre 500e. De 2006 à 2009, capoté. De 2006 à 2009, c'était à Choc FM. On s'est fait mettre dehors grâce aux efforts de Predge. 2010, qui a travaillé très fort. 2010 à 2013, on a fait ça à Douteux.tv, qui était à l'époque la seule web télévision qui roulait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et de 2013 à aujourd'hui, on est rendu devant public. Ce qui était, depuis les tout débuts, un petit peu mon rêve le plus... mi-molle, genre. Donc... Comme on a dit pour les 10 ans, parce qu'on a commencé au mois de septembre 2006, donc en septembre passé, pour les 10 ans, moi et Bruno, on a dit « Ah tiens, c'est nos 10 ans, ben, on va se reprendre au côté festivité pour le 500e. » Fait qu'on s'est un petit peu peinturé dans le coin à la version 70%. On est en train de fêter le 500e ce soir. Donc, 500 fois 70%. Pour tout dire, je suis pas vraiment surpris qu'on soit rendu là, mais j'en suis très, très heureux. On a débuté en 2006, puis je revenais du Danemark, où j'ai laissé la plus belle histoire de ma vie pour venir en créer une autre qui allait devenir la nouvelle plus belle histoire de ma vie. Oui, c'est cute, hein? Depuis les débuts, mon rôle dans le show et la formule même du show ont tous deux beaucoup changé. Mais c'est bien correct de même. Moi, j'aime ça, le changement, et je pense que c'est sans doute la source de la longévité de la patente. À peu près toutes les plus importantes rencontres de ma vie ont été faites autour et dedans ce show. Et je vous parle pas de la quantité de relations sexuelles que d'être l'animateur de 70% m'a permis et me permettra, je touche du bois, encore sûrement d'avoir. c'est sûrement plus que vous pensez, j'ai entendu le mot 14, là, à moins que ce soit à cause de mon charisme. Bon. À peu près toutes les expériences sociologiques importantes de ma vie ont été vécues dans ce show. J'y ai aussi verbalisé et développé des idées que j'ai toujours crues indispensables à toute aventure humaine conséquente. On est donc rendu à la seule énumération de mon discours. 1. Un système solide va toujours se purifier de lui-même des éléments indésirables. 2. Un système solide ne peut pas avoir d'indispensable. 3. La motivation est ce qu'il y a de plus précieux. 4. Accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout. Autrement dit, en way, délègue. 4.2. Toujours préférer faire quelque chose puis améliorer le résultat que de préférer ne rien faire et attendre que ce soit considéré parfait. Je le dis là, sincèrement, fuck le perfectionnisme. Ce n'est pas une attitude qui aide la créativité ou l'humanité d'un concept. C'est aussi à la source du titre de notre show. 70%, ceux qui visent C+, de moyenne générale. Et bien, 5, il faut demeurer open source. Faire 70%, une zone où tout le monde est le bienvenu et se sent à l'aise de parler de n'importe quoi. On a eu un mime comme invité dernièrement, c'est dire. Tous ces points, je suis pas mal certain qu'on les réussit de mieux en mieux. Surtout que maintenant, on est rendu notre propre patron. On n'a plus de boss qui veulent pas qu'on envoie chier Éric Lapointe. On est dans la vraie liberté d'expression et il y a une vraie ambiance de discussion gardée vivante par des gens motivés. Et la motivation, c'est ce que je préfère au monde. Et c'est pas une mince fierté que de dire que 70% en est un avatar bien réel qui s'incarne sur notre belle terre à chaque lundi. Sinon, ben, je pense qu'on est pas mal rendu à la dernière évolution de nos soirées. Comme j'ai dit tantôt, faire ça devant public, ça m'était précieux. On va peut-être tweaker des affaires, mais les gens de talent de qui on a le concours incroyable, ainsi que nos partenaires précieux, comme le Brouhaha peut-être en tout premier lieu, et nos techniciens de génie, que je salue bien bas là-bas, Mathieu Potvin et Alexandre Larocque, et bien sûr notre house band, les Douchebags, qui souffrent de... Ouais, ça vaut la peine, ça vaut la peine. Je crois donc que même en cette journée de réflexion sur le passé, on peut dire qu'on est résolument tourné vers l'avant, pénis dans les dents. Merci à ceux qui nous ont lâchés en chemin. Merci à ceux qui vont revenir nous rejoindre un jour. Merci à ceux qui vont revenir. Et surtout, merci à ceux qui nous ont jamais lâchés. Sur ce, avant de nous lancer dans cette soirée de 500e, permettez-moi d'y aller de toute la sincérité que je peux générer. Va chier, Éric Lapointe. Et voilà donc... Pour célébrer ce 50e épisode de Podcast en Grande, il me fait plaisir de vous offrir cette séance de feu d'artifice. Technicien, s'il vous plaît. C'est incroyable. Et donc, rendu à ce moment-ci, pendant que les feux d'artifice se terminent, je vous remercie d'être présent et je passe la rondelle à l'excellent Alex Gosselin qui va débuter la soirée. Mesdames et messieurs, Alex Gosselin, s'il vous plaît. C'est parce qu'il fait du sport qu'il est carré de même. Ah, salut, là, 70%! Hey, bon applaudissement pour Tommy, là, et... On a six discours interminables. Hein. Ça, que c'était long. Ça pour dire « Fuck you, Éric Lapointe ». Yeah! OK, hey, bienvenue à 70%, ça va bien? Yeah! Hey, hey, ici, ouais, cette partie-là, ça va bien? Ouais! L'autre partie, ça va bien? Ouais! Bon, vous semblez avoir un petit peu plus d'énergie de ce côté-là. Est-ce que vous avez tenté de rivaliser avec l'autre côté pour savoir qu'il y a plus d'énergie? Non! Oh, est-ce que je vous ai même ça au Hey, je suis content d'être ici, là, pour vrai, 70%. Le podcast, hein, qui a autant d'invités que de public. Vraiment, vraiment content, pour vrai. Là, pour vrai, qui est... OK, ben, je vous laisse la caméra, je te l'envoie pareil. C'est la serveuse. Ah, ben, non, c'est vrai, non, c'est vraiment le public là, qui parle pendant le show. Hein, c'est qui est... Comment qu'on appelle ça, les collaborateurs, panélistes? Chroniqueurs. Les parapluies, les chroniqueurs? Oui. Par applaudissement, le public. Bon, pas parce que vous applaudissez plus longtemps que vous avez l'air plus nombreux, hein? C'est juste ça. Ah, OK, c'est bon. Ben, le show commence quand vous avez passé votre corne, les gars. C'est la famille Godette. C'est la famille Godette. C'est mon père! Ah, ben, quelle surprise. Hein? Voilà, bien étonné. Et il sait toujours pas qu'on parle de lui, hein? Ouais, ouais. Bon, tu vas-tu l'avertir? C'est ça que tu vas faire? C'est ça que tu vas faire? Non. Bon. Ah, c'est un cauchemar ce soir-là. Hey, OK! Hey, est-ce qu'il y en a par applaudissement qui ont entendu parler là, récemment de ce qui se passe aux États-Unis? Ah! Ah, les élections, putain! Ah, oui! Ah, Trump! Bon, ah non, mais j'ai écouté ça, moi. En fait, j'ai écouté un ami qui était à l'université me parler de ça. Ça m'a dit, il est grand temps qu'un humoriste s'en mêle. Hein? Hein? Non, mais ça m'a donné le goût d'être plus engagé, là. Bon. Ah, ben, c'est ça, personne ne me connaît, mais avant, je faisais pas du bon engagé. Non, mais, hey, par applaudissement, là, le 70%. Qui c'est qui est allé de se faire fourrer par la maudite PD? Ah, on est-tu allé? Ah, ça fait des belles promesses avant de se faire élire un coup que c'est élu, qu'est-ce qu'on apprend? Ça envoie nos femmes! Ça arrive dans le nord! C'est des pépines! Ça, personne n'a eu vent de ça? Non? Ben, je m'en tirais pas, là, j'étais pas assis tout à fait à la même table que mon ami, là, mais ça a l'air d'être un enjeu! Hein? As-tu t'allé? Ouais! Carré! Bon, hein, non, mais on a des problèmes au Québec, là, 70. Hein, on en a? On en a-tu, là, pas? Ouais, ouais, on est allé! On est allé! T'as une virée en petit co-raineux ce soir-là. OK, hey! Non, on va y passer un par un, là! Non, on va. On va y passer un par un, là, comme. Montréal! Hein? Mais ça, ton métro se rend pas à Pointe aux Trembles! Mal fait! Hein? C'est loin. Hein? Tu sais-tu qu'on est à une demi-heure de toute forme de plaisir là-bas? Tu sais-tu? Non. As-tu qu'on a déjà été là à Pointe-aux-Trembles? Ah, ça c'est une première ça. Hein? Non, mais c'est-tu moi ou on dirait juste le repère des méchants, le Seigneur des Anneaux? Hein? juste le gros oeil, là, c'est une cheminée de raffinerie qui te fixe pendant que t'es pogné dans le trafic. T'auras pas d'anneau pour garer ça, là. Bon, c'est-tu moi ou t'es en train de réaliser que je suis pas devant mon public cible? Bon. Là, je l'entends penser. Ben oui, mais déménage! Hein? Déménage! Ouais, ben déménage, c'est parce que je l'ai dit trop fort. Des fois, avec le ton, on sait plus quand la joke est là, hein. C'est ça, le, c'est ça l'enjeu. Ouais, pis nos vieux, eux autres! Hein? Hey! Est-ce qu'on les laisse crever là? Ouais! Ouais! Non, non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Mais. Qu'est-ce que. J'ai l'impression qu'il y a deux niveaux dans son message. J'ai l'impression que deux men, c'est. Ah. Oh. C'est pas drôle. C'est l'enfer, man. Ok. Hey, ok! Qu'est-ce qu'on parlait déjà, là? Vous êtes un public de cul ou quoi? Ouais, ok! Bon! Les vieux qui crèvent à Pointe-aux-Trembles, parce que c'est ça que le monde font là-bas, hein, ils crèvent! Ouais! Hein? Avec l'usine d'épuration des eaux, les lignes haute tension, les raffineries. Quand vous voyez des jeunes avec des bandanas là-bas, là, c'est pas une gang de rue. Ils sont en chimiothérapie. Bon. J'aime entendre le « ça, c'est drôle », mais sans rire. J'adore ça. Ça, c'était drôle. Là, c'est... bon, hein, puis... parlant de nos vieux! Ouais! Ça se peut-tu que ça soit ça le problème? Ouais! Ça roule sur nos routes! Ouais! À basse vie. OK, ça va faire la participation, là. C'est juste quand je vous la demande. Ça roule, parce que là, j'ai l'impression que ça s'entraîne sur le transformant du cours haineux, puis il me sent comme être l'heure, là. Ouais, les juifs! Hein? Ouais. Les bons juifs! Hey, t'as-tu fait ça pour vrai, mon gars? Oh là là là là là! C'est un autre invité, la semaine passée, il a fait pire. Salut, les juifs! T'es juste antisémite, c'est pour ça qu'ils t'ont invité? Exactement! On voulait un nazi! Qu'est-ce qui se passe avec ce podcast-là? Sérieusement, you, Tommy? Tommy! Ouais! Il est même pas là. C'est vraiment ah, avec ça, on doit être pas loin de 10 minutes? Ouais, non, si. Hey, c'est fou comment 6 minutes, des fois, t'as l'impression que ça en fait 10, mais non? Hein? Bon, de quoi sinon, là, je faisais de l'humour engagé. De quoi qu'on parlait, là, 2-3 mois, là, quand j'ai écouté ça, quand j'ai écrit ça? Hein? Toi, t'as l'air d'avoir du plaisir en temps, ben ouais, hein? Hein? T'es humoriste en plus, toi, en plus, c'est ça? Bon. Et la compassion. Non, c'est ça, de quoi qu'on... Ouais. Dans l'école nationale, moi. Ah, vraiment. C'est, mais non, mais c'est moi là. C'est... Oh. Oh, je vais me réveiller, man. Je vais me réveiller dans une situation mieux que celle-là. Ouais. Non. Ok. De quoi qu'on parlait, là, 2-3 mois? Non, qu'est-ce qu'on parlait de la culture du viol? Ouais. Hein? Bon. La que, comment? Ok, c'est-tu quoi? Je vais y aller, je vais essayer avec, sans essayer de vous parler. Ok, alors, on parlait de la culture du viol, je commencerai par vous dire, je suis con. Hein? Je commence à être tanné, moi, les humoristes, là, ça passe ici, puis qu'est-ce que ça fait? Hein? Ça compte des jokes de belle-mère pendant que tout le monde se fait violer? Hein? Bon, non, je sais, là, je vous entends penser, vous dites, wow, c'est un sujet glissant, il va perdre des fans. Bon, j'entends penser aussi, il y en a sûrement pas. Ah, mais vous savez que c'est pas parce qu'ils ont tous mon numéro de cellulaire et ou mon mieux au monde que ce ne sont pas des fans! Ok? Qui est avec moi? Tous! Contre le viol! Ouais. Tous! Contre le viol! Viol! Viol! Viol! Ok, quand c'est le temps de participer, c'est zéro, hein, c'est ça? Quand on peut pas me blesser personnellement, c'est zéro, c'est ça? Yes. Bon, je sais les gars là. Des fois c'est tentant, on veut avoir des câlins. Bon, il y a plusieurs façons d'y arriver sans le viol. Comme par exemple, hein? Être gentil. Bon, j'ai fait des recherches. En fait, j'ai tapé Google, j'ai tapé viol sur Google. Bon, mon premier conseil serait le suivant. Hein, ne tapez pas viol sur un moteur de recherche. Peu importe le contexte, là, même si c'est juste soleil couchant sur mer paisible et viol. Bébé panda et viol. Le mot viol a tendance à l'emporter assez aisément dans la recherche. Hmm? Non, je pensais connaître les pandas, mais c'est des tabarnak! Ils sont sournois. Ils sont sournois. Bon, comme disait le vieux proverbe chinois, là, quand l'ours a faim, il mange. Bon, j'ai peut-être sauté une ou deux lignes, pis ça, hein? Le message, y penses-tu? Yol! Yol! Yol! Ça, ça marchera pas, ça. Bon, non, mais en terminant, hein, en faisant mes recherches, j'ai appris que c'est la société qui nous poussait pas mal à nous violer entre nous. Ah non, mais pourquoi? Pourquoi? Hein? Qu'est-ce qu'on apprend depuis le plus jeune âge? Que c'est correct d'embrasser une fille qui dort? Hein? Si elle se réveille, c'est toi son prince charmant? Bon, OK, les gars, OK. C'est juste que c'est pas censé être toi qui l'endors, la fille. Hein? Si elle se réveille pas après le premier bisou, tu arrêtes. Même si t'es venu avec ta plus belle toge et ton plus beau cheval, c'est un viol! C'est moi, je suis en train de perdre des fans, là. Hein? Non, mais la culture. C'est quelqu'un qui fait frire quelque chose ou quelqu'un qui dit tchut? Les deux. Les deux? Nice! Mais non, la culture du viol est partout, hein. J'écoutais l'autre fois Denis Lévesque. Hein? Et la question du jour était, quelle est la ligne entre séduction et agression? Ouais, je pense avoir trouvé cette ligne pour vous. Cette ligne est le poivre de Cayenne. Merci beaucoup tout le monde, passez une bonne soirée. Alexandre Gosselin, tout le monde! Dans les cours! Les jeudis douteux. Chaque jeudi à l'Atomique Café, 3606 rue Ontario Est. Chaque semaine, un classique de la TV du passé, un set de VJ invités et un film louche. Les jeudis douteux à l'Atomique Café. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paye parce que c'est gratis. Bonjour tout le monde. Je me présente, mon nom c'est Andy. Le douteux, ça fait quoi, 6 mois que je suis pas venu, fait que c'est un grand retour pour moi. Qu'est-ce que vous avez fait à mon douteux? Sérieux? Wow! Vous l'avez tire-bouchonné? Vous l'avez assaisonné? On est à la partie un peu plate entre le 2h. On va dire merci d'ailleurs à VJ Alan Smithy. Qui vient malheureusement me rejoindre. Pas trop proche, pas trop proche. Non, c'est pas trop proche. Puis, t'as-tu aimé ta soirée? Il dit oui, je pense. Ou il dit, il va tout vous tuer. OK, ben merci, merci. Ça a été vraiment une belle soirée jusqu'à maintenant. Là, tu reviendras plus jamais, c'est ça? OK, merci. Et évidemment, on va voir le film qui va être présenté par Tommy. Donc, entre les deux, qu'est-ce qu'on a? On a l'encan, évidemment, l'encan douteux. Et laissez-moi vous dire qu'on a quelque chose de pas si spécial que ça pour vous ce soir. Je vous présente Dom Massy, qui va être ma girl de ce soir. T'as-tu quelque chose à dire? Tender! Alors, il est disponible sur Tinder, si j'ai bien compris. Fait qu'on va commencer par le premier lot. Prends un lot. Alors, on a un beau chandail, un beau t-shirt de bière de Molson Canadian. Il est écrit en anglais. Grip and twist, now try it with a bottle. Ça a l'air qu'on vient de découvrir la méthode Twist. C'est un chandail, je crois, probablement large, X large. Donc, pour les un petit peu plus gros que moi, vous allez être contents. On commence ça à 2,50. Ah oui, OK. Un encan, comment ça marche? J'avais oublié le niveau d'intelligence, je suis sincèrement désolé. Je donne un chiffre, vous augmentez de 50 sous. Pas un sou, pas un bouton, pas une couleur. 50 sous, vous pouvez augmenter à 1$, 2$, 3$, comme vous voulez. Et à un moment donné, je vais dire une fois, deux fois, trois fois, et il est vendu à vous. Bon, fait qu'on recommence. 2,50, on commence comme ça. D'autres, on a un 3 ici. Qui dit mieux? Non. 3,50 ici. Je vois rien, fait que la personne. Qui dit mieux pour un beau t-shirt de bière que vous allez porter à la maison quand vous allez faire de la peinture? Oh, 4$ ici. Bon, c'est la peinture qui t'a comme titillé. Oh, 5$ en arrière. Je pense qu'on est allé chercher la valeur initiale du t-shirt. 5$ une fois. 5$ deux fois. 5$ trois fois vendu au monsieur là-bas. Étienne, t'étais pas supposé de... Merci. On va passer au prochain lot. C'est un lot de cassettes VHS, fait qu'on va les découvrir un à suite de l'autre. On sait pas c'est lesquels. Dom, je pense que tu connais pas non plus. On commence avec la princesse des signes. OK, mais il y en a d'autres. Watch out. On va en prendre d'autres. On fait un encan d'un à la fois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On va toutes les faire ensemble. Mais c'est parce que je veux partir, genre. OK, on a Blanche-Neige, la nouvelle aventure. Oh, on a l'étrange Noël de Monsieur Jack quand même en VHS. Quand même. On a La Belle et la Bête. Le côté bestial. On a Poussette. Tu peux en déposer si tu veux. Ah, oh, toi, tu veux garder dans ta main, je vais continuer dans ce cas-là. On a... Oh, shit is... On a L'Histoire sans fin. Comme il chante, là. On a La Surprise du Père... Qu'est-ce que c'est ça? La Surprise du Père Noël, dessin animé de Noël. Dans la même... on a Dessin animé de Noël, Rudolph, le petit renne au nez rouge. Parce que Noël arrive à grands pas. Et on a, pour finir, avec Tim Allen, Sur les traces du Père Noël, 1. Il en a eu combien, Tom? Il en a 3. Il me semble qu'il en a 3, ouais. Ah, OK, les chiens, ça compte pas? Ça compte jamais, les chiens. On commence à combien, selon toi, Tom? 1000 piastres. OK, on va commencer avec de l'argent. Que je vais y aller avec Tommy. OK. 3$, OK, 3. Non, 300$. 3. On va commencer avec 3$ avec avec Roxane. 4$ ici. Comment les filles? 5. 5$. 6. 6,50. Ça va, ouais, je sais. 7,50. Come on. Bon, 8. 10. 10, non, on fera pas ça. 10$! À moins que tu veux qu'on arrondisse. 10,50! 10,50, c'est pas pire, c'est à peu près 2$ la cassette. C'est beaucoup. C'est parce qu'on va être, on va pouvoir manger, c'est weird. Donc, 10,50 une fois. 10,50 deux fois, il y a l'histoire sans fin, puis l'étrange, hein? Personne n'a des VHS. Hein? 10,50 trois fois vendu à Roxane! On va tout remettre ça dans le sac. Tiens, on va s'en occuper. Nous, on va vendre. Vous savez, l'apocalypse s'en vient. Beaucoup plus vite qu'on le pensait initialement. Et une des apocalypses possibles est bien sûr l'apocalypse de zombies. Et qui dit apocalypse de zombies dit Doorstopper de zombies. Donc, si tu cherches une façon originale d'arrêter ta porte d'ouvrir, ou de fermer plutôt, ben, tu peux te permettre de crisser un zombie qui donne l'impression qu'il sort dans l'arrière de ta porte. Je peux pas l'expliquer mieux que ça, je pense. C'est pas mal juste ça qu'il va faire. Hein. Ouais. Et tu peux te servir de la boîte aussi pour arrêter une autre porte, si t'en as besoin. Une tirelire. Tu peux t'en servir comme tirelire aussi, merci Dom. Ou tu peux mettre des cartes dedans, des cartes à jouer ou des cartes cochons. Ou des cartes Magic, évidemment. On va commencer ça avec de l'argent. Qui propose quelque chose? Combien? 2$ en arrière. 3$ ici. 4 en arrière. 5 en avant. 5$. Est-ce qu'on joue comme au tennis? Quoi? 5? 5$. T'arrêtes? 5? Non, on l'a dit 5 en arrière. Donc 5 une fois. 5 deux fois. 5 trois fois vendu! On arrive déjà quand même assez vite au dernier lot. Je sais pas si vous rappiez au début quand on a inventé le USB, quand le USB a commencé à exister. C'était pratique, on savait pas trop à quoi ça servait. On avait juste un port généralement sur nos ordinateurs, on n'avait pas vraiment plus. Alors, on a un beau cadeau qui vient de cette époque-là. Donc, c'est la possibilité de prendre un port et de le transformer en trois ports. Parce que Dieu sait que dans le monde aujourd'hui, on a besoin de trois ports USB. Ben, tu sacrifies un port pour avoir trois ports. Donc, ça t'en amène trois. Voilà. J'aimerais bonifier, moi, personnellement, parce que j'aime douteux. J'aimerais bonifier ce cadeau-là. Donc, un 3 parts d'USB. J'aimerais le bonifier avec un 5$. Donc, je rajoute un 5$ dans le lot. 50 cents! 1$! 1$, 3$ en arrière. 4,50! 5$ ici. Qui dit mieux? 6! On a 6$ en arrière, bravo! On commence à avoir de la valeur. 5! Qui dit mieux? On a 6. Come on, ça étend le nombre de ports que tu peux avoir. Non, mais ben, pour de vrai, je pense qu'il faut que tu rentres ça dans un port PCI. Fait que c'est encore moins pratique que vous le pensiez. Non, on peut pas reculer, mais ben essai. Fait que 6. Qui dit mieux? On reste à 6, hein? Donc 6$ une fois, 6$ deux fois. 6$ trois fois vendu! Alors, je pense que ça va se terminer là-dessus. Dom, t'as-tu quelque chose à dire? Yeah, Grander! Yes, sir! Yeah! Et voilà! Merci, je laisse la place à Tommy. Donc, Tommy, pénètre. Hey, merci. On dit merci à Andy et à Dom Massy, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. J'ai peut-être entendu dire de la bouche d'un intéressé qu'on va voir Dom Massy plus souvent. C'est donc un plaisir incommensurable, encore une fois, qui m'amène à tenir le micro devant tous vous, les gens. Tu sais, dans la vie, là, les sociétés, ils ont comme différentes manières de... Si tu fais bien de venir me parler de ça, là. On va passer... Oui. Dans la vie, il y a plusieurs manières en tant que société d'essayer de remettre les divergents dans la bonne direction. Il y a toutes sortes de punitions qui existent. Il y avait une loi qui s'appelait celle du talion avant. C'est on coupe un bébé en deux. Là. C'était un petit peu ça la morale. Il y a des lois. Toutes les sociétés existent à partir... Salut, Mustapha. Existent à partir d'un système de lois. Et dans le monde de Demolition Man, de Le Destructeur, qu'on va écouter... Je pense que de toutes les diégèses fictives, c'est la manière de punir un élément problématique de la société qui est la moins utile, la plus inefficace, la moins adaptée, la plus conne. Vraiment épais. Parce que, tu sais, un criminel dans la société, ce que tu veux, c'est lui créer des repères pour qu'il en vienne à avoir envie de rester ou de revenir un membre actif et utile à cette société-là. Si tu punis un criminel par rapport aux lois qu'il t'a décidées, idéalement, faut que la punition ne soit pas comme quelque chose qu'il faut que tu refasses à chaque jour. Il faut que tu apprennes à ce criminel-là que pêcher, c'est mieux que de se faire donner un poisson chaque jour, genre. Et dans Le Destructeur, version française de Demolition Man, il utilise, à mon sens, la pire des méthodes pour arriver à ça. Quand t'es un criminel là-dedans, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils te congèlent et qu'ils te dégèlent plus tard. Non, mettons que tu tues un bébé, tu sais. Fait que là, tu tues un bébé, fait que là, ils vont te congeler pendant 120 ans. Fait que dans 120 ans, quand ils vont te décongeler, ils sont certains que tu vas être un problème de société, peut-être encore plus grave ou potentiellement plus tueur de bébés. On est donc devant, à la base, un illogisme flagrant, selon moi. Mais tout le film existe autour de ça. Tout le film existe parce que c'est un excellent film d'action, c'est un actionneur, presque un body movie. C'était la première fois que les totons, Sandra Bullock était au grand écran. Ça a été son rôle qui a fait qu'après ça, elle a fait Speed, qui est devenue Miss Congéniality 1, 2, 3, 4, puis Poppy Congéniality. Là. Ça a été quand même quelque chose. Donc, on est devant un bon film d'action qui est fait sur des bases calissement connes. Et c'est donc avec cet honneur qui me revient à chaque lundi que je vous invite à vous plonger dans la glorieuse version française de ce classique de 1993. Et, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, j'ai pensé à un petit jeu à boire avec un certain DM. À toutes les fois qu'ils vont parler du passé, c'est une gorgée. À toutes les fois qu'ils parlent du Taco Bell, c'est deux gorgées. Pis à toutes les fois qu'il parle des colisses de coquillages, c'est une gorgée. Mesdames et messieurs, on écoute. Et puis la semaine prochaine, on est là encore, on va écouter un film de Neil Breen que personne ici n'a vu à date. Ça va être une découverte vraiment géniale. Je vais le découvrir avec vous, ça que ça se peut que je fasse un nerdgasme dans mon vomi là. En attendant, on écoute pour ce soir The Demolition Man. Et selon ce que j'ai lu, il paraît que Sting, c'est la dernière fois qu'il a enlevé son t-shirt pour faire mouiller les jeunes filles quand il a fait le clip du remake de... C'est même pas une joke. En tout cas, on écoute Demolition Man! Ouais, et j'ai toujours pas compris où on allait, ni pourquoi on se donnait la peine d'y aller. Vous faites une bonne action. T'as pas de meilleure raison? Si, un dingue a détourné un bus de la ville avec 30 passagers, c'est pas une bonne raison ça. Et je crois savoir aussi où sont les passagers et qui est ce malade. On peut être dans la confidence? Phoenix. Simon Phoenix. Your Jedi mind tricks do not work on me. Ensemble, nous sommes la force. Funny money. No pots, no money, no dude. Hey, my name is Ray Park. I play Darth Maul in The Phantom Menace and Snake Eyes in G.I. Joe Retaliation. You're listening to H2O Radio. May the Force be with you and beware of the dark side.